Mais c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 41. Je procède au rappel traditionnel de cette émission. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email dempart@setemplar.com. dempart@setemplar.com. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante eelb.su. eelb.su vous permet bien sûr de commenter les émissions, les articles qui paraissent sur le site internet, dont je donne l'adresse immédiatement, democratie-participative.club, comme un club, democratie-participative.club, voilà. Pour les rappels, je procède maintenant à la présentation des membres de la semaine. Je vais commencer sans transition aucune avec notre ami Zyklombix qui nous fait le plaisir de participer. J'espère qu'il se porte bien, notre ami Zyklombix. Bonjour à tous, je me porte bien car avec l'hiver, la facture de gaz augmente. Effectivement, ça fait tes affaires. Est avec nous aussi cette semaine notre ami Hopman, américain, j'espère qu'il se porte bien. Le Capitaine America se porte bien, je vous remercie, très cher camarade Gandalf. J'espère que les auditeurs aussi ont la patate, et bien entendu, bonjour à mes camarades de l'émission. Et enfin, est aussi avec nous cette semaine Fulbert. Salut Fulbert, j'espère que ça va bien pour toi aussi. Oui, ben Fulbert va bien, ça gaze. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Avant de commencer l'émission, bien évidemment, remercions les donateurs. Alors, vous savez que vous pouvez nous soutenir, soutenir l'émission, soutenir le site, en nous faisant des dons en crypto-monnaie, exclusivement par Monero, crypto-monnaie qui garantit l'anonymat des donateurs, l'anonymat de ceux qui le reçoivent. Bon, vous l'avez bien compris, dans le cas d'espèce, que c'est nous qui le recevons, et l'anonymat en ce qui concerne le montant des transactions. Donc, je vous invite à vous familiariser avec cette crypto-monnaie qui aura, à mon avis, de l'avenir compte tenu de l'état de surveillance généralisée qui nous affecte tous. Et donc, je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent et qui ne nous écrivent pas, mais qui le font « dans l'ombre », entre guillemets. Mais il y a aussi des gens qui le font et qui nous envoient des courriers. Si vous souhaitez nous signaler un don, vous pouvez le faire en nous écrivant l'adresse que j'ai donnée. Si jamais on a oublié de vous citer, n'hésitez pas à nous réécrire, il est possible après tout que votre courrier soit passé en spam. Alors voici Schlaggy qui nous écrit la chose suivante. Bonjour à l'équipe de DP ainsi qu'aux auditeurs, veuillez recevoir une modeste contribution de 0,13 Monero en soutien à votre travail. Malgré les turpitudes actuelles, je me surprends à rire de vos blagues et à celles sur des coins dans l'épisode 40. Qui m'ont fait particulièrement rire, si bien que je ne résiste pas à vous en partager une de mon cru. Quel est le comble quand on s'appelle Descoings ? Question. Ah. Eh bien, voici ce que nous dit Schlaggy. C'est de finir avec le cul en marmelade. Oh, elle est bien trouvée, quand même. Hein. Bonne émission à tous. Merci à toi, cher Schlaggy. Alors, oui, Descoings, c'est Richard Descoings, hein, dont on avait parlé dans, une émission, dans l'émission précédente. Plus particulièrement, c'est Zyklombix qui nous en avait parlé. Alors, aujourd'hui, il est un petit peu oublié, Richard Descoings, parce que c'était le boss de Sciences Po, hein, ou Sciences Pipo, comme on aime appeler ça aussi. Donc Sciences Po, qui est un peu la matrice du gauchisme dans la... au sein des élites en quelque sorte, ou des futures élites, ou ce qu'on présente comme étant les futures élites. Et c'est vrai qu'il est maintenant trépassé depuis un petit moment. Donc il a son œuvre, peut-être lui survivra-t-elle sous forme de MST, je ne sais pas, mais en tout cas, sa mémoire est trop peu citée. Mais enfin, bon voilà, on en avait parlé durant l'émission dernière, l'occasion effectivement de faire un bon mot sur donc le cul de Richard Descoings. Quelqu'un sur l'œuvre de Richard Descoings? Je ne sais pas. Non. Je ne pense pas que l'anus de Descoings ait une valeur quelconque. Ah bah là oui, là... Là, de toute façon, il est desséché, l'anus de Richard Descoings. C'est ça. C'est la sortie de la blague, hein, qui était bien trouvée, qui était mignonne. Que Descoings pourrisse en enfer, merci. Merci pour lui. Alors messieurs, sans transition aucune, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Bonjour à toute l'équipe de DP. Par ces quelques lignes, je souhaiterais réagir à l'un des courriers des lecteurs du dernier épisode, alors au moment où il écrit, saison numéro 6, épisode 39, le sujet tournait autour du suicide, de la dépression et de l'espoir d'un monde meilleur post-effondrement. Vivant en Suisse, dans un minuscule village de campagne, je profite également de ce témoignage pour vous donner des nouvelles depuis l'autre côté de la frontière. J'ai connu DP quelques semaines avant le rhume 19, gravitant autour des sites, des divers médias de réinformation depuis quelques années, j'ai assez rapidement senti que quelque chose ne tournait pas rond dans le scénario officiel. En revanche, j'ai dans un premier temps été plutôt sceptique sur les analyses proposées dans les articles parus sur le site. 18 mois plus tard, je suis formel. Non seulement vous aviez raison, mais en plus la situation ici aussi est préoccupante, aussi préoccupante qu'ailleurs. Au-delà de la question purement sanitaire, cette pandémie aura également exposé aux vues de tous toute la farce que représente la démocratie, la Suisse étant généralement présentée comme un modèle par les souverainistes français sous-entendu. Hein. Le RIC, donc le référendum d'initiative, je ne sais plus quoi, initiative... Citoyenne, voilà. L'initiative populaire et autres référendums ne servent strictement à rien. Menacer la population d'un énième confinement et tous ces moutons rentreront dans le lot avant de se jeter à l'abattoir pour se faire piquer par Pfizer. Les complotistes ont tout annoncé depuis le début. Manipulation des chiffres par les médias, confinement inutile, explication hasardeuse sur l'efficacité du masque, troisième dose, puis abonnement perpétuel à la vaccination, passeport sanitaire, surveillance de la population, suppression des droits élémentaires, enfermement, et j'en passe. Rien, le golem ne voit rien. Vivre au milieu des races de boue était un supplice en soi. Autant pour moi. Vivre au milieu des races de boue était un supplice en soi, mais depuis ce rhume, c'est pire. Je ne supporte plus d'être au milieu de ces zombies. L'Occident se rapproche chaque jour un peu plus de 1984, à la différence près qu'Orwell décrivait une population blanche. Ce n'est qu'une question de temps pour que le gouvernement suisse demande l'enfermement des non-vaccinés dans la foulée des pays alentours, oui, notamment les pays alpins comme l'Autriche. Mesure d'ailleurs largement plébiscitée par les boomers. Comment quelqu'un de sain d'esprit peut-il accepter que l'on confine des jeunes en bonne santé, productifs, mais pas cette génération qui aura tout détruit? À ce sujet, je vous invite à réécouter le passage du cardinal lors de l'épisode 31, rubrique 2. Navré si ce courrier était un peu décousu, mais je voulais retranscrire le climat ambiant qui règne ici. Merci pour le travail que vous faites. Salutations fasciste, et c'est signé Biloki. Merci à toi, cher Biloki, pour ce témoignage qui nous vient de Suisse. Je suis toujours très heureux d'apprendre ce qui se passe au-delà des frontières de l'Hexagone, hein, que ce soit en Belgique ou en Suisse, et même au-delà. Comparer les situations, les mesures, c'est un peu une course à l'échalote de qui sera le plus imaginatif d'ailleurs depuis que la politique covidiste est en place en Occident. On voit bien qu'il y a des nations qui se détachent du peloton, mais bon, chacun essaye un petit peu sa formule. Alors l'Australie brille beaucoup, la Nouvelle-Zélande brille beaucoup, mais quand même la France défend son rang. Mais de temps en temps, on a des surprises. Alors cette semaine, on va y revenir, c'était l'Autriche qui nous a réservé une belle surprise. Toujours est-il que en Suisse, donc effectivement, qui est régulièrement présenté comme un modèle de démocratie avancée, avec son système fédéral, avec ses référendums et son modèle institutionnel original, eh bien, preuve en est que précisément la fonction du covidisme est d'écraser absolument toutes les spécificités juridiques, légales, constitutionnelles des nations occidentales. Et même s'il y a peut-être plus de facilité à résister dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, quand on est dans un État comme la Floride, par exemple, ou le Texas, il y a somme toute un effort coordonné. Alors, à la lecture de ce témoignage, qu'est-ce que vous aimeriez dire, soit à notre auditeur de Suisse, soit de tel ou tel élément qu'il nous a communiqué? Bellocchi nous dit que le RIC ne sert à rien. Il a évidemment raison, il a aussi... il ne faut pas forcément étendre ses propos. C'est-à-dire que on peut dire que le RIC, c'est un antibiotique, mais pas un vaccin. Ça ne protège pas du virus, malheureusement. Mais ça permet tout de même à la Suisse, en tout cas ça participe du fait que la Suisse a tout de même un niveau de vie 30% supérieur au nôtre. Donc c'est peut-être pas la panacée, mais ça ne veut pas dire que si nous avions la possibilité d'instaurer cette petite réforme dans nos systèmes démocratiques, ça ne les rendrait pas un petit peu plus supportables. Néanmoins, ça montre que, une fois la démocratie en place, il n'y a rien qui empêche la marche vers la suppression de l'homme blanc. C'est juste une question de timing et de confort. Oui, oui. Tout à fait, exactement. Oui. C'est bien formulé. J'ai pratiquement pas grand-chose à rajouter à ta formule. Quelqu'un d'autre sur cette nouvelle qui nous vient de Suisse, là, on sent une grande lassitude de la part de notre auditeur. Pas particulièrement. Ah ben si lui il ressent une lassitude vis-à-vis de la situation en Suisse, je t'en prie, hein, cher auditeur, viens vivre en France et changeons nos places. Lol. C'est pour dire que, bon, je te taquine, hein, auditeur, mais... je pense qu'en Suisse, vous avez un peu moins les couilles dans le lac glacé que nous les avons, quoi. Parce que vous avez encore suffisamment d'argent, je pense, pas d'un point de vue pays, hein, puis même d'un point de vue duel, vous avez, c'est sûr, un coût de la vie qui est plus élevé, mais vous avez des salaires qui sont bien plus intéressants. Vous avez surtout une mentalité vis-à-vis de la défense, la légitime défense, même de la défense du territoire, qui est différente du nôtre. Moi, quand je vois que la Suisse, t'as plein de petits bunkers comme ça, secrets, enfin, plus ou moins secrets, t'as le fait que les citoyens ont le droit de garder leur arme à feu chez eux après leur service, tu peux faire des formations en tant que civil ou en tant que professionnel très facilement. Alors, on peut en faire aussi en France, mais donc c'est un peu plus... disons que voilà, bon, en Suisse, ils ont quand même les meilleurs instructeurs. On va dire le meilleur instructeur, celui qui a révolutionné le tir de combat, hein, celui dont qui a servi donc de base au renouveau du tir de combat de l'armée française et des différentes institutions françaises. Cher capitaine, tu disais qu'en substance, ce que tu voyais qui existait encore en Suisse, en tout cas sur le papier, c'était l'existence du citoyen soldat armé possédant encore son arme. C'est ça. Lui, et tu disais que c'était un avantage très net par rapport à la France où effectivement le citoyen est par définition désarmé. Voilà. Moi j'ai des réserves quand même par rapport à ça, puisque en fait c'est bien, hein, en théorie, les armes à domicile comme gravées dans la Constitution, mais c'est très théorique. C'est-à-dire qu'on voit bien que en fait, et c'est ce que nous dit en substance notre auditeur, c'est que c'est pas tout d'avoir une âme, encore une arme, c'est peut-être vrai aussi pour l'âme d'ailleurs, mais c'est pas tout d'avoir une arme, il faut encore vouloir s'en servir. Je veux dire par là que il est bien évident qu'avec la domestication qu'a subi la population suisse, avoir une arme ou non à domicile, personne en Suisse n'a l'intention de résister à une forme d'oppression caractérisée de la part du gouvernement en ayant recours à la légitime défense, entre guillemets. Vous savez, d'ailleurs, c'est une anecdote un peu folklorique, on l'oublie un peu souvent, mais c'est gravé dans la Constitution française que, normalement, les citoyens ont le devoir, non pas le droit, mais le devoir de se révolter contre un gouvernement tyrannique. Bon, vous savez très bien ce qui vous arriverait si jamais vous aviez l'intention de vous révolter en France contre un gouvernement tyrannique, évidemment de forme républicaine. Bon, voilà, ça c'était en passant. Donc en fait, je pense que le covidisme, en fait, pour faire un jeu de mots, c'est le grand reset, en fait. Alors il y a le grand reset Klaus Schwab, mais c'est vraiment un grand reset au sens plein et entier du terme, en ce sens que il n'y a plus de spécificité, dirais-je. Il n'y a plus de spécificité institutionnelle qui permette réellement de s'opposer à son programme. Et c'est ce qui me fait dire que le discours des souverainistes, et notamment de Florian Philippot, autour du Brexit, mais c'est vrai aussi chez Asselineau, et aujourd'hui totalement, je dis bien, totalement obsolète. Alors, c'était un discours qui pouvait avoir, en quelque sorte, d'un certain point de vue, et en tout cas chez certaines personnes, une pertinence, c'est-à-dire de dire, voilà, on va reprendre le pouvoir chez nous, voilà, on va arrêter de déléguer dans des instances internationales, ça peut être l'Union européenne, ça peut être l'ONU, etc. On va ramener le pouvoir chez nous et nous allons exercer directement une pression sur ceux qui prennent les décisions. Voilà, parce que comme les leviers seront plus près de nous, on pourra exercer une véritable pression. Alors moi, je ne crois pas du tout à ce système, d'autant plus que la France est un système jacobin. C'est-à-dire que tout le pouvoir est à Paris. Donc, sauf à habiter dans Paris intramuros, vous n'avez aucune espèce de moyen de pression directe sur le pouvoir physique et ceux qui l'incarnent. Mais même si vous vivez dans Paris intramuros, vous allez très rapidement constater que si jamais vous avez envie d'exercer une pression directe sur ceux qui exercent le pouvoir, ou en tout cas l'occupent à défaut de l'exercer, eh bien que ces gens déploient des CRS et n'hésitent pas à vous casser la figure. Hein. On l'a vu avec les Gilets jaunes. En fait, quand les Gilets jaunes ont voulu investir Paris intramuros pour faire entendre leur colère, par rapport à leurs conditions d'existence, bon, vous savez comme moi le traitement qu'ils ont reçu. Donc tout ça pour dire que dans un système jacobin comme la France, où le pouvoir est par définition éloigné des citoyens, puisqu'il est présent dans un seul centre, le souverainisme relève de la gageure. Mais encore plus depuis l'avènement du covidisme. Parce qu'avec le covidisme, on voit bien que le Brexit... n'a aucune espèce d'intérêt. Alors, je sais que les Français en ce moment se passionnent pour des, enfin les souverainistes français se passionnent pour des histoires de pêche avec les Britanniques, hein, des histoires de quotas, etc. Bon, c'est bien gentil, mais au moment où on est à deux doigts de séquestrer vos gamins pour les piquets de force, les histoires de quotas de pêche au large des côtes normandes, à mon avis, n'offrent pas grand intérêt. Donc en fait, le Brexit, nonobstant ces histoires de quotas de pêche, est d'abord et avant tout l'histoire d'une formidable reprise en main par l'oligarchie d'un véritable problème à l'époque. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a eu la victoire du Brexit, au moment de la victoire du Brexit, pour les élites occidentales, ça a été un véritable problème. Parce qu'il y a eu le spectre, la peur de l'effet domino. C'est-à-dire que soudain... espèce d'insurrection populaire dans tous les pays et un refus de suivre l'agenda unique déterminé par les élites en place. Voilà. Mais grâce au covidisme qui s'est déployé dans tout le monde occidental, ben finalement ce Brexit aujourd'hui relève de la blague. D'accord ? Les mêmes mesures autoritaires sont adoptées de contrôle des populations. Vous avez eu les mêmes confinements, les mêmes interdictions de déplacement, etc. Alors peut-être pas toujours systématiquement les mêmes, si on compare à la France, hein, y a toujours un petit, toujours quelques différences. Mais globalement, l'agenda est le même. Donc, et je crois, et ça c'est ma conviction, c'est je crois que justement cette reprise en main sous prétexte sanitaire a été conditionnée par le Brexit et par l'élection de Trump. Donc d'abord le Brexit, ensuite la victoire de Trump, et là ils se sont dit bon c'est pas possible, il faut quelque chose. Alors je pense qu'ils cogitaient depuis longtemps à ce type de scénario et ils ont activé le scénario. Donc tout ça pour dire en fait que les questions de souveraineté, de référendum, d'exercice de démocratie directe, bon, tout ça c'est très gentil si vous voulez, mais c'est ne pas tenir compte d'un fait très important, c'est que nous avons affaire à des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout et à employer tous les moyens. D'accord ? Donc il ne suffit pas de respecter la légalité pour être entendu. Quand vous respectez la légalité, que vous essayez de vous faire entendre de cette manière-là, l'attitude des élites va être de dire ah, c'est très intéressant ce que vous dites, par contre j'en ai strictement rien à foutre et je passe outre. Voilà. Donc nous sommes dans cette situation où voilà, vous avez eu un Brexit, vous avez eu l'élection de Trump, et le système a été intégralement repris en main. En Suisse, ils peuvent voter sur à peu près tout ce qu'ils veulent, et ça ne change rien, ils sont tous masqués, ils sont tous en train d'être piqués, bientôt ceux qui refusent de piquer seront enfermés chez eux exactement comme en Autriche et ailleurs. Bref, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et ce que je veux dire par là, et j'en termine, c'est que je sais qu'il est tentant de croire qu'on peut avoir les bénéfices d'une révolution sans les sacrifices d'une révolution. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, c'est pas parce que vous allez respecter la loi fixée par définition par les élites en place que vous arriverez à changer les choses. D'accord ? C'est accorder une foi beaucoup trop grande dans les lois, décrets, réglementations, bref, dans la paperasse. Et Asselineau, c'est très frappant chez lui, on sent le fonctionnaire parler, c'est-à-dire qu'il ne jure que par le papier. Il vous dit « si, si, mais l'article un tel truc, moi, tu sais, il vous le cite avec une grande fierté, hein, voilà, il dit « voilà, vous voyez, je maîtrise quand même ». Mais on est dans le politique, on n'est pas dans le réglementaire. Quand les élites ont envie de s'asseoir sur des règlements, ils s'assoient sur des règlements, ou même des lois, ils s'en foutent, ils s'assoient même sur des traités, ils n'en ont rien à foutre. Ils comprennent le principe du politique. Vous voyez ? Et c'est ça qui est assez navrant chez les souverainistes, c'est qu'en fait, ils croient à la toute-puissance du réglementaire, à la toute-puissance de la loi, alors que tout est politique et que tout n'est que rapport de force. Voilà. Donc, le pouvoir en place respecte la loi quand ça l'intéresse. Quand il estime que son intérêt est de violer la loi, il la viole. Et inversement, quand vous respectez la loi pour vous défendre, eh bien, si ça va contre les intérêts du système, il nie tout simplement vos demandes. Et voilà. Donc, c'est très simple à comprendre comme système. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors, oui, je suis d'accord avec toi sur ce que disait sur Asselineau, là. Mais je vais apporter un bémol. C'est-à-dire que on est dans un combat révolutionnaire et il y a effectivement une notion asymétrique. Elle est asymétrique parce qu'effectivement, c'est une fraction de la population qui est en rébellion plus ou moins ouverte contre, alors, à minima les dirigeants et en ce moment contre l'autre partie de la population. Mais les gens qui, je parle pas d'Asselineau parce que lui c'est un gros chapon inutile, mais les gens qui parfois s'appuient sur des textes de loi, par exemple international ou autre, ou sur des arguments moraux, sont des gens qui le font pour essayer de ramener plus de gens, on va dire, à la raison, ou au moins en se basant sur l'émotivité, hein, qui est ce qu'utilise le commande face pour nous niquer, hein, l'émotion. Ils essayent de faire prendre conscience aux populations qu'il y a besoin d'un réveil, en fait, qu'il y a besoin d'une réaction. Donc, je suis d'accord avec toi par rapport au fait que les gouvernants et les élites, enfin, quand je dis les élites, je parle des fils de pute qui veulent notre mort, hein, peuvent tout à fait s'asseoir sur n'importe quel traité, n'importe quel texte de loi, sur n'importe quel argument moral et compagnie, du moment que ça sert leurs intérêts, autant nous, de notre côté, on peut, par calcul, par stratégie politique, ne pas s'asseoir justement, mais utiliser de tels traités ou de tels arguments moraux. Mais il est bien évident que de toute façon, ce sera un rapport de force qui est déjà consommé, qu'il faudra à l'avenir, je pense, consommer davantage, hein, puisque l'objectif de tout ça, l'enjeu de cette lutte, hein, c'est notre survie. Donc il n'y a pas tortiller du cul pour chez droit, quoi. Bah, disons que si tu veux, de toute façon, le système est conçu par les démocraties pour que tu, pour, enfin, tu, hein, que les gens qui ne confortent pas le statu quo soient marginalisés et neutralisés. Et c'est ce que dit Vincent Renoir. On a une pensée affectueuse pour lui. C'est ce qu'il dit quand il parle des droits de l'homme. Et droits de l'homme, alors d'abord, bien sûr, avec la Révolution française, mais qui sont encore précisés après la Deuxième Guerre mondiale, où tu connais tout ça très bien, mais je veux dire, il est entendu, en fait, que tu ne peux pas contester le système si tu n'adhères pas à l'idéologie du système. Donc c'est la fameuse phrase, hein, bien sûr, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, c'est le principe des révolutionnaires français qui s'applique encore aujourd'hui. Donc, et c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'en fait... si tu n'es pas d'accord avec les objectifs affichés par ces élites et l'idéologie qu'ils représentent, eh bien tes griefs seront considérés comme nuls et non avenus, même si de ton point de vue ils sont légitimes et même si d'ailleurs ils peuvent paraître être légaux. Mais le plus évident, c'est sur le racisme anti-blanc, par exemple, pour prendre juste la législation antiraciste, qui d'ailleurs en elle-même, c'est vraiment un cas d'école, est anticonstitutionnelle. Je veux dire, au terme de la Constitution française, la législation antiraciste est parfaitement anticonstitutionnelle, ce qui n'a pas empêché le Conseil constitutionnel de la déclarer constitutionnelle. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, on nous dit, par exemple, que par exemple, les Français n'existent pas, par exemple. Il ne peut pas y avoir de racisme anti-français, par exemple. Ça n'existe pas. On peut pas avoir de racisme. Bon, d'accord. Parce que c'est pas une race ou machin truc. Par contre, le dernier pouilleux qui arrive de son bled à la con du tiers-monde et qui se revendique de je ne sais quelle ethnie, lui, il est défendu par la législation française, au nom de la législation antiraciste. Donc, en fait, quand le système veut promouvoir quelque chose, en l'occurrence le cosmopolitisme, l'immigration de masse, eh ben, il neutralise les capacités de défense des populations autochtones. Non, mais non, de quoi parlez-vous ? Français de souche, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas une catégorie, de quoi parlez-vous ? Tout le monde comprend très bien ce que c'est, français de souche. Il suffit de voir comment réagit la presse de gauche à propos de cette expression, depuis 20 ans maintenant, si c'est pas 30, pour comprendre qu'ils savent très bien de quoi il s'agit. Mais ils disent que ça n'existe pas. Et ça, c'est juste pour le cas du racisme, mais c'est vrai sur tout, en fait. Donc ils s'arrangent constamment de leurs propres lois, ils aménagent comme ils veulent, et avec le covidisme, là c'est encore plus extraordinaire, parce qu'ils ont carte blanche. Mais au nom de la peur, hein, parce qu'ils gouvernent par la peur, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et ils ont fait passer des trucs... Ils ont globalement aboli les libertés dans toute l'Union européenne. Alors, c'est plus ou moins mis en place selon les nations, je suis d'accord. En Croatie, on va faire la même chose qu'en France. En France, on ne fait pas exactement la même chose qu'en Suède, etc. D'accord. Mais le principe est acté. Les gouvernements ont carte blanche pour adopter les mesures d'exception qu'ils souhaitent. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Ça se passait en Lettonie. Cette semaine, on en avait parlé, me semble-t-il, mais j'y reviens quand même, ils ont suspendu les députés lettons de présence au Parlement, qui ne sont pas vaccinés, et qui évidemment défendent le droit des lettons à ne pas se vacciner s'ils ne le souhaitent pas. Ils ont été interdits. C'est fascinant, c'est un coup d'État. C'est-à-dire qu'on interdit des députés d'opposition de participer aux sessions parlementaires, alors qu'ils représentent des électeurs, parce qu'ils ne participent pas du grand projet. Mais toute l'Union européenne devrait être vent debout contre cette attaque contre la démocratie. Pas du tout. C'est le silence total. Il n'y a pas une seule demande de sanction. Rien. La demande de sanctions contre Orban, quand il se mêle de politique migratoire ou quand il refuse que Soros étende son influence en pays, ah là oui, d'accord, là Bruxelles, immédiatement communiqué, appel à sanctions. En Pologne, quand il refuse que le lobby pédo-LGBT essaye de laver le cerveau des enfants pour les transformer en travelots, pareil, appel à sanctions, Emmanuel Macron hurle sur tous les toits, pareil avec son homme de main Clément Beaune, on n'entend que. Là, on a un parlement d'un État membre de l'Union européenne qui suspend carrément des parlementaires en leur interdisant de participer au vote. Il se passe rien. C'est normal. C'est au nom du covidisme. Ça, c'est l'exemple le plus frappant de ces dernières semaines. Il n'y a pas que ça. Le fait, là, en Autriche, on va y revenir, d'interdire les gens de, enfin, de les assigner à résidence parce qu'ils n'ont pas le bon statut vaccinal ou bon statut médical, etc. Ils se sont assis sur tout. Des libertés qui étaient considérées comme inviolables au titre des droits de l'homme. Bon, bah, quand on voit ça, on se dit que le covidisme et que cette pandémie montée toute pièce a vraiment permis à ces élites de passer à la vitesse supérieure. Donc c'est ça que je voulais dire pour revenir à l'origine du propos de notre auditeur quand il parlait de la Suisse, quoi, en disant, bah, vous savez, la démocratie suisse... faut pas croire ce que vous disent vos souverainistes, etc. Chez nous, on subit de plein fouet le covidisme exactement comme en France. C'était l'essence de mon propos. En fait, le covidisme a permis de passer outre au rouleau compresseur sur toutes les différences nationales. C'est une espèce d'état d'urgence global qui ressemble un peu au 11 septembre et qui permet de faire absolument ce qu'on veut. Mais c'est le 11 septembre à... fois 1000, quoi, hein, je veux dire, là, c'est... Voilà. Et il n'y a aucune opposition. Je veux dire... je veux dire, dans les médias, par exemple, en France, quand on s'intéresse à la presse française, les seules petites marques de divergence que j'ai observées dans la presse dominante, mainstream, c'est au sein du journal L'Express. Pas sur tout. Juste sur l'origine du virus. Mais j'ai vu qu'il y avait une forme de scepticisme qui s'exprimait dans les colonnes avec des papiers bien faits, bien sourcés, notamment sur l'origine du virus, vous savez, qui en fait est une fabrication de laboratoire par les associés de Bill Gates, en fait. Hein, ça, c'est ça, en fait, le fond de l'affaire. Ils l'ont lâché volontairement. Bon, et dans l'Express, alors ils allaient pas aussi loin, mais ils faisaient bien comprendre que l'affaire était loin d'être claire. Voilà. Alors, ils allaient aussi loin qu'ils pouvaient de leur point de vue sans se faire taper sur les doigts par la team de Mendes France, hein, voilà, de conspirationnistes, parce que ça va très très vite, hein, on est très vite blacklisté, très vite victime d'un anathème, et après on est sorti du jeu. Donc l'Express, c'est le seul journal qui a essayé d'apporter deux, trois petites nuances. Mais aujourd'hui, et avec le mot de complotisme, on ne peut plus rien dire. Donc quand ces mecs-là prennent une décision qui est ouvertement liberticide, qui contredit tout ce qu'ils proclamaient par ailleurs, tout le monde ferme sa gueule, soit parce qu'ils sont d'accord, je veux dire, soit parce que les médias sont d'accord, ils soutiennent, soit parce que s'ils disent si on bouge, on va perdre notre emploi, on va être menacé, etc. Et ça, le covidisme l'a permis. Donc, c'est vraiment le point sur lequel j'insiste, c'est qu'il y a beaucoup de slogans de la décennie 2010-2020 qui ont pu être pertinents sur les questions de souveraineté, de reprendre le contrôle sur le processus politique, etc., avec des gens comme Chouard et tout, bon, qui aujourd'hui sont devenus complètement obsolètes, quoi. Par la force des choses, je veux dire. Et voilà, quoi. Alors après, le RIC, comme tu disais, Ziklombix, sur le papier, c'est... Bon, moi, je suis un antidémocrate forcené, donc... juste pour les faire chier, ça aurait été rigolo, effectivement, d'avoir la capacité de faire voter sur X ou Y sujet. Mais en fait, par la terreur, tu peux mener le troupeau, je veux dire. C'est ça, d'ailleurs, le grand enseignement du truc, j'en termine. C'est qu'au fond, quand ils sentent que, par les élections, le truc, ils n'y arrivent plus, bah, ils te restent quand même l'arme de la terreur de masse, quoi. Et que par l'arme de la terreur de masse, bah, tu peux obtenir ce que tu veux. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, les démocraties, quand elles sentent qu'elles sont vraiment menacées de l'intérieur, bah, parce que le système ne fonctionne plus, bah, c'est pas grave. On recourt au terrorisme à grande échelle. Les médias participent de la stratégie et on gouverne comme ça. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Alors, oui. Et mon intervention sur la Suisse, c'était vis-à-vis du droit à légitime défense, de la conception du citoyen, etc. Et je parle de ça parce que il y a eu le retentissant procès de Kyle Rittenhouse qui s'est déroulé là ces derniers mois et qui le verdict a été rendu hier ou avant-hier. Et il a été acquitté en fait de toutes les charges. Et je fais un parallèle du coup entre la Suisse et les USA, parce que malgré le bordel ambiant dans ces deux pays, ils sont dans des situations qui sont, à titre individuel, moins catastrophiques, il me semble, que les nôtres. Parce que dans ces pays-là, tu peux encore, Alors ça va dépendre des États mais, et des jurés, mais tu peux encore te protéger. C'est-à-dire qu'en France, tu vis dans un pays dans lequel si tu es agressé, tu es agressé, que ce soit que tu prends une baffe, mais je veux dire, c'est à quelqu'un qui vient avec un couteau. En général, on ne parle pas d'une petite baston à un coup de poing dans la tronche. T'as un mec qui vient avec un couteau, si tu le tues, bah tu vas aller en prison. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en France, tu n'as même pas le droit à la vie. Tu n'as pas le droit de tuer. Ça fait partie normalement des besoins essentiels, en fait, le besoin de sécurité, et ça fait partie des droits de l'homme, en fait, le droit de vivre dans un pays dans lequel on n'attendra pas à ta vie, et voilà quoi. Et en France, il n'y a pas ça. Donc, c'est pour ça que je dis que malgré tout, en Suisse, c'est pas aussi dramatique que chez nous. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un autre procès qui est très important. Je finis, mais un autre procès qui est très important, c'est celui de Charlottesville. Parce que, à travers l'affaire Rittenhouse, c'était pas juste Kyle Rittenhouse qui était bien entendu jugé. C'était également le droit des Blancs à se défendre. Parce que finalement, Rittenhouse, c'est un gamin blanc qui prend une arme à feu et qui vient défendre les biens de la communauté à laquelle il est rattaché. Donc, à travers lui, c'est tout l'establishment blanc, en fait. C'est tous les citoyens blancs lambda, en fait. C'est leur droit à la propriété. Alors, pour le coup, en plus, ils protégeaient les droits de Pakistanais immigrés qui parlent pas français, anglais, et qui ont raconté que des conneries lors du procès. Donc, bon, c'est un peu ironique. Et s'il avait fini en prison pour ça, ça aurait fait vraiment très mal au cul. Et je disais donc qu'il y a un autre procès très important en ce moment, c'est celui de Charlottesville. C'est la Charlottesville, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le défilé au flambeau, ainsi que des conférences de Richard Spencer, d'autres personnes de l'alt-right, durant lesquelles ils chantaient des slogans du genre « Vous ne nous remplacerez pas ». Alors pourquoi ils disaient ça ? Bah parce qu'effectivement, il y a un remplacement en cours, mais en plus parce que il y avait des articles écrits par je sais plus quel juif notamment qui disait oui on remplace les blancs et c'est très bien, voilà, enfin genre de choses quoi. Et donc à travers ces deux procès là on avait quoi? Ben on avait donc pour Kyle Rittenhouse le second amendement de la Constitution américaine qui est donc le droit à la possession des armes à feu qui était sur la sellette, et avec le procès de Charlottesville ben, c'est forcément le premier, celui qui est afférent à la liberté d'expression, en fait. Parce que la liberté d'expression, c'est pas comme en France. C'est-à-dire que il y avait des officines pourtant fondées par des communistes et des gauchistes tels que l'American Civil Liberty Union qui ont véritablement défendu la liberté d'expression malgré leur fondement profondément, on va dire, anti-américain, anti-blanc ou alors anti-civilisation traditionnelle. Je finis, excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Et j'allais dire, par exemple, ces gens de l'American Civil Liberty Union, dans les années 60, ont tout autant fait en sorte que des nationaux socialistes américains puissent tenir une conférence durant laquelle ils ont scandé, je crois, des trucs du genre « mort au PD »,« mort à ci », je sais pas quoi, tout autant qu'ils ont défendu le droit de communistes de tenir sur nos conférences. Donc on a quand même eu une véritable liberté d'expression aux yeux de ça. Et cette liberté d'expression, bien entendu, on le sait tous, est en train de mourir. Je t'en prie, vas-y. Oui, tout à fait. Bon, alors, juste un truc, quand tu disais le droit de se défendre est un droit de l'homme, heureusement qu'on n'a pas attendu les droits de l'homme pour avoir le droit de la légitime défense. Je veux dire, c'est un principe qui est acquis depuis des millénaires. Donc je dirais que c'est pas spécifique aux droits de l'homme, fort heureusement, à mon avis. Mais sinon, sur le principe, t'as raison, je veux dire, sur la légitime défense. Là, le procès dont t'as parlé, effectivement, montre, et ça c'est sûr, que aux États-Unis, il y a encore des libertés civiles qui sont respectées dans une certaine mesure, parce qu'attention, hein, il y a des procès, le système judiciaire américain est quand même très largement corrompu, ça peut, et même très souvent ça se termine mal. Alors dans son cas, lui, à ce jeune-là, ça s'est bien terminé pour lui, donc son droit à la légitime défense a été reconnu, mais parfois ça se termine mal, donc c'est positif dans ce cas-là, parfois ça peut se terminer mal. Mais c'est sûr on va dire que là-bas, aux États-Unis, en raison de la liberté de s'armer, si ça tourne mal, il y a encore la capacité de se défendre. Alors qu'en France, et ça c'est un fait aussi, ce que tu as bien rappelé, effectivement, dans les faits, il est interdit de se défendre. Voilà, c'est-à-dire que si tu te défends avec succès contre une agression, tu vas en tôle. Voilà. C'est, en gros, c'est ce qui se passe, quoi. Donc, voilà. Donc, t'as une population. Parce qu'en fait, l'État et la caste qui le contrôle, pour ne pas dire la classe qui le contrôle, a peur des conséquences de sa politique. C'est-à-dire que quand tu fais venir des millions et des millions d'halogènes du tiers-monde, nécessairement tu déstabilises la société. Pour des questions culturelles, ethniques, sociales, économiques, tu crées des tensions très fortes. Et il y a un risque que les autochtones se révoltent contre ta politique de remplacement de population. Simplement par un phénomène mécanique. D'où la très grande nervosité de la classe dirigeante et de ses magistrats, qui redoublent d'efforts pour intimider la population autochtone et la dissuader de se défendre quand elle est mise en danger. C'est pour ça que ces accusations récurrentes contre les Blancs qui essayent de se défendre ont tant d'écho dans la presse. Et même quand ce sont des cas qui se situent aux États-Unis d'Amérique, et même souvent quand ça se situe aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'on voit bien que la presse française de gauche aime s'emparer d'un cas où un Blanc essaye de se défendre pour le diaboliser. Ça a une vocation pédagogique. Il s'agit bien évidemment de faire comprendre au lectorat français qu'il est hors de question pour un homme blanc de se défendre. Mais ça, c'est la classe dirigeante française qui s'adresse aux autochtones français, en leur disant « Vous n'avez pas le droit de vous défendre face à la politique que nous menons. Nos intérêts sont en jeu. » C'est ça qu'il faut comprendre. La politique d'immigration en France est une politique d'intérêt par la classe dirigeante. Et la violence de l'immigration non blanche, les autochtones sont tenus de la subir en silence. C'est à ça que servent ces campagnes d'agitation dans des cas de légitime défense qui viennent des États-Unis. Il y a un autre cas qui ressemble un peu au cas de Rittenhouse, même si il n'a pas entraîné la mort de quiconque. C'est ce fameux couple de personnes sexagénaires qui avait été, toujours dans le même cas, c'est là quand il y avait tous ces émeutes raciales aux États-Unis organisées par la gauche, le Parti démocrate, encouragé par les médias, durant la campagne présidentielle pour en fait accuser Trump de racisme, etc. Il y avait eu encore un cortège de nègres et de marxistes qui avaient fait un crochet par la propriété privée de ce couple qui avait une belle résidence, voilà. Et moi j'ai lu les médias français et les médias français disaient que ces gens-là, ils étaient descendus dans la rue pour braquer des manifestants progressistes et des noirs. Ça, c'était la version officielle de tous les médias français. Sauf que quand on regardait, quand on s'intéressait au cas, quand on regardait les lieux, quand on faisait en fait, un petit peu sa petite enquête, on découvrait quoi ? Que, en fait, ils n'étaient jamais descendus dans la rue. Ils étaient sur leur perron, alors que des masses de nègres et de marxistes étaient rentrés dans leur propriété en forçant les portes de leur jardin, et qu'ils étaient en train de manifester dans leur jardin. Donc il y avait une intrusion dans leur propriété de gens extrêmement hostiles et agressifs, qui n'avaient qu'une envie, je vous rappelle qu'il y avait des nègres dans le lot, c'était de pénétrer dans la maison, pour la piller. Et là, l'homme et sa femme sont sortis, lui avec un AR-15, me semble-t-il que c'est un AR-15, en tout cas un fusil automatique ou semi-automatique, et la nana avec un pistolet de femme. Voilà. Donc, et là, évidemment, les nègres se sont tenus à distance. Mais on a menti. On a dit, voilà, ils sont sortis, ils étaient dans la rue. Et pas du tout. Parce qu'on a essayé d'effacer l'intrusion sur la propriété. Voilà. Parce qu'il y a aussi, et ça, c'est les médias de gauche en France, hein, une haine viscérale de la propriété privée. Hein, faut pas l'oublier. Hein. Je veux dire, il s'agit vraiment de nier le droit du propriétaire de se défendre chez lui. Quoi. Donc, toujours le même arrière-fond marxiste, hein, dans tout ça. Et donc, on a présenté comme ça dans ces médias ces gens qui ne faisaient que se défendre comme des salauds, alors qu'ils n'avaient tué personne, même pas fait usage de leur arme à feu. Mais simplement le fait de le montrer, ils avaient été traités en salauds. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça ? Eh bien, en fait, c'était le procès qui était fait par association. C'était celui de l'homme blanc qui essaye de se défendre et de défendre son territoire. Parce que qu'est-ce que veut cette élite en place, cette élite cosmopolite en place ? C'est justement de priver le petit propriétaire blanc de ses droits fondamentaux. Celui d'être propriétaire, et celui d'avoir la sécurité chez lui. Voilà. Voilà ce dont on veut le priver. Et ce couple incarnait parfaitement ça. Les propriétaires blancs qui se défendent. Horreur absolue pour les médias de gauche et pour la classe cosmopolite qui veut précisément détruire cette catégorie de gens. C'est vrai aux États-Unis comme en France, hein. C'est exactement la même chose. Donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, eux, ils ont accès aux armes, ils peuvent se défendre. D'ailleurs, ils ont été innocentés, hein. Je veux dire, il y a eu une enquête et tout, là, le couple en question, hein. Le Parti démocrate a essayé de les présenter comme des criminels. Ils ont essayé même de les inculper. Ça a raté, évidemment. Mais il y a des tentatives. Alors, en France, en revanche, bah, si vous sortez sur votre perron avec votre flingue parce que vous avez des gens qui rentrent chez vous, bah, je ne sais pas comment ça se passerait. Hein. Bah, c'est simple, en France, sachant que il y a plusieurs catégories d'armes. Il y a les armes qui ont de base le régime de l'interdiction et tu as de base les armes qui ont le régime de la déclaration à la préfecture. Sachant que les armes, puis après, c'est celles qui sont libres d'accès. Mais celles qui sont libres d'accès, c'est la poudre noire. Donc la poudre noire, c'est compliqué d'avoir un pistolet ou un fusil à poudre noire qui est toujours prêt à servir pour la légitime défense dans le domicile, quoi. Sachant que les armes en catégorie B, donc celles qui sont soumises à l'autorisation, quand on dit qu'il y a autorisation, ça veut dire que le régime de base, c'est l'interdiction. Tu tires une telle arme pour défendre ton domicile, on va dire, mais monsieur, cette arme-là, elle n'est pas censée être dans un coffre-fort. Et les munitions, elles ne sont pas censées être dans une boîte ou dans un autre coffre-fort. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait que vous avez pu vous défendre avec cette arme-là? Donc, en fait, là où toi, tu es une victime, c'est toi qui vas devoir t'expliquer, en fait, ta conduite vis-à-vis de quelqu'un qui est venu chez toi pour te voler ou pire, violer ta femme et éventuellement vous tuer, quoi. Et là, tu vas prendre très cher. Alors, tu vas prendre aussi cher si tu te blesses ou tues ton agresseur avec une arme de catégorie C, donc une arme de chasse, à peu près. Sauf que comme ces armes-là ne sont pas soumises aux mêmes conditions de détention et de stockage, ça va être un peu plus simple pour te défendre. Voilà. Mais dans l'absolu, de toute façon, le problème, c'est que quelqu'un qui est chez lui, qui est d'une agression, d'un vol, de violence, et que ça ne devrait pas exister, en fait. Hein. Enfin, au moins, ça ne devrait pas exister. Ça existera toujours. Je veux dire, au moins que la loi permette aux gens de s'en prémunir. Cette personne-là, donc, elle va être très emmerdée. Voilà. Bien sûr. Oui. Oui, cette histoire d'avoir les munitions dans un coffre, séparément, comment veux-tu te défendre, franchement, je veux dire, c'est... Ah bah sauf si t'as une maison de 300 mètres carrés et que t'habites au deuxième étage et que le mec il casse tout en rentrant chez toi et que du coup t'as le temps de te préparer, mais oui effectivement si de base t'as pas graillé tes chargeurs et que c'est comme un flan le jour où les mecs pénètrent chez toi, oui bon ça va être compliqué quoi. Ouais voilà, oui. Sachant que la police fait de l'intimidation, c'est-à-dire que par exemple la loi n'oblige nullement à avoir un coffre-fort scellé. Mais vous pouvez être assuré que quand les policiers vous demanderont de déclarer votre coffre, ils peuvent passer chez vous, d'ailleurs sans mandat, et si votre coffre n'est pas scellé, faire de l'obstruction et ne pas vous donner votre détention de catégorie B, ce qui est purement arbitraire, mais ils peuvent le faire. Bah justement, c'est bien qu'on parle des flics, parce qu'ils jouent un rôle très important aujourd'hui en Occident, singulièrement donc depuis l'avènement du covidisme. C'est-à-dire que c'est vraiment, et moi je suis désolé, on ne le dit pas assez, mais les flics jouent le rôle aujourd'hui de pivot de la mise en place de ce projet. Là, vous avez vu, là ce week-end, il y a eu quand même pas mal d'émeutes. Pays-Bas, la police néerlandaise a fait usage de ses armes à feu. Alors, c'était des tirs de sommation, hein, ils n'ont pas tiré sur la foule, autant que je sache, corrigez-moi si je me trompe, mais enfin, ils ont quand même tiré à balles réelles. Alors, j'ai vu des commentaires de membres de l'élite tout à fait autorisés, donc des gens hein, qui sont des vraiment du sérail, si vous voulez. C'est des gens qui sont nés dans les groupes de réflexion, diplomatiques, etc., et qui appartiennent vraiment au sérail français, si vous voulez. Donc cette fameuse caste en place qui se retrouve derrière Emmanuel Macron. Et eux, ils étaient face à cette situation aux Pays-Bas. Ils ne se posaient pas la question, mais c'est bizarre, comment se fait-il qu'un pays aussi policé que les Pays-Bas se retrouve dans une situation où la population se révolte contre la politique gouvernementale au titre du Covid ? Ça interpelle quand même. Non, leur réflexe, ça a été de dire, on a quand même de la chance en France d'avoir une police qui sait bien faire son travail. Sous-entendu, nous, on n'utilise pas les armes à feu, mais on a le même résultat. C'est-à-dire qu'en fait, on casse la gueule à tout le monde. Voilà. Et il y avait cette espèce d'admiration très chauvine pour la façon dont, en France, la police fait son boulot de protection du régime. C'était assez fascinant et ça donnait aussi franchement la nausée. Et c'est pour vous dire à quel gens on a affaire. Et donc, ce sont les mêmes gens qui, par ailleurs, que le prêche démocratique à la bouche. Les droits de l'homme, 1789 ou 93, selon les sensibilités, mais ça revient constamment. Bon, c'est les mêmes gens qui s'enthousiasment en fait quand on casse la gueule des gueux en gilet jaune qui protestent parce qu'on est en train de les racketter au titre de cet improbable réchauffement climatique d'origine humaine. Et permettez-moi un petit détour, parce que ça a été un petit peu discuté sur les réseaux sociaux cette semaine, même si la décision remonte à plus longtemps que ça, c'est le changement de couleur du drapeau français. Le bleu a changé, une petite nuance, le bleu n'est plus raccord avec le drapeau européen. Et évidemment, il est plus foncé, en fait, c'est un bleu marine, plus historique, et on nous dit d'ailleurs que c'est le bleu en fait du drapeau de 1793, de la convention de 1793. Bon, je pense que l'année 1793 quand même parle un petit peu à nos auditeurs, la Grande Terreur, Robespierre, Barrère, bon, les coupeurs de tête, la Vendée en proie à une politique, à une entreprise génocidaire, les massacres de Lyon, les noyades de Nantes, enfin bon, on pourrait quand même, comme ça, passer un bon moment. Et alors, apparemment, donc, cette décision a été prise par les équipes d'Emmanuel Macron qui veulent réaffirmer, en fait, une espèce d'autorité, pour ne pas dire d'autoritarisme, qui veulent la marquer vis-à-vis de l'Union européenne, pour dire que la France ne se confond pas avec l'Union européenne. Donc, une espèce de petits réflexes esthétiques à caractère souverainiste. C'est pour ça que je me méfie aussi du souverainisme, parce que finalement, le système sait aussi à sa façon être souverainiste quand ça arrange. Je vous ai dit que finalement, la logique politique prévaut tout le temps, et par exemple, l'élite française, quand elle estime que son intérêt n'est pas de suivre l'Union européenne, elle ne suit pas l'Union européenne. Voilà. La France est régulièrement condamnée pour des tas de choses à Bruxelles, des politiques qu'elle ne suit pas, qu'elle n'applique pas. Elle s'en fout superbement. Voilà. Donc le tableau que nous présentent les souverainistes très souvent d'une France docilement soumise à Bruxelles avec des gens, des politiciens qui n'attendent qu'une chose, c'est de prendre leurs consignes à Bruxelles, c'est oublier un petit peu vite que nous avons affaire quand même à une classe politique totalement corrompue, qui prend ce qu'elle a envie de prendre et qui laisse ce qu'elle a envie de laisser, quand même. Hein. C'est vrai d'ailleurs à Bruxelles comme ailleurs. Hein. Bon. Et le fait qu'elle décide, donc que les équipes de Macron décident d'envoyer ce petit signal en se distinguant de l'Union européenne pour réaffirmer le caractère révolutionnaire et jacobin de la République française en s'étant troublée, me font dire que il y a une tentation qui émerge au sein du pouvoir français de vouloir un petit peu liquider toutes les formes d'opposition périphérique. Hein. Donc là, on a la marque en fait d'un pouvoir central qui se sent menacé de manière existentielle. Voilà. Alors, ça fait le lien avec ce que je disais sur les remarques de membres de la caste dominante suite aux émeutes aux Pays-Bas, qui s'émerveillaient de la maîtrise technique de la police française quand il s'agit d'écraser le peuple, je disais, attention, nous avons affaire à des gens qui sont profondément nostalgiques de 1793. Alors, ils n'ont pas le même élan que Robespierre, Marat, etc. Donc, ils sont plus prudents aussi, il y a moins de virilité, il faut bien le dire. Donc, ils n'assument pas aussi bien le fait de verser le sang. Mais ce n'est pas parce qu'il n'assume pas que la tentation n'est pas présente. Hein. Donc voilà, je voulais quand même le faire remarquer. Voilà, c'est... Ils ont une conception très claire de la place du citoyen, comme ils l'appellent, donc l'esclave. Et avec le Covid, c'est encore plus clair. Voilà. Donc, moi, pour moi, hein, ça discute fermement dans Paris intramuros, hein, dans les salons. Je pense qu'il y a une très forte tentation d'abattre, en cas de vraie manifestation, d'abattre des opposants. Hein. Je pense que ça se discute maintenant, là. Je pense que ça se discute. Ça n'est peut-être qu'à l'état de discussion, mais je pense que ça se discute. Ouais. Bah écoute, si un jour ça en vient là, j'espère que les gens qui font partie des forces de l'ordre auront un minimum de conscience. Hein. C'est un rêve pieux, hein. Je sais bien que c'est d'être naïf. Bah oui, ça se passe là. Hein. C'est selon que les forces de l'ordre obéissent ou pas, c'est là qu'un régime bascule ou non. C'est tout le temps pareil. Je pense que l'armée dira on a piscine. L'armée, ça dépend de qui, hein. Ouais, ils diront on a piscine, on peut pas, on sait pas, on n'est pas trop sûr. Voilà, donc démerdez-vous, ils diront démerdez-vous. Et la police, ça dépendra de combien on les paye. Rappelez-vous des gilets jaunes. Que les gens n'oublient pas ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Les flics ont fait monter au créneau leurs syndicats, qui sont composés exclusivement de francs-maçons. Donc ça renvoie à une tradition politique. Ils sont montés au front, et ils ont présenté la facture à Castaner et à Macron. Ils ont dit, on protège le régime, mais ça va vous coûter. Et ils se sont engagés à les payer. D'accord ? Donc à chaque fois que le régime se sentira menacé, les flics, qui se comportent maintenant comme une véritable garde prétorienne, dira, ça vous coûte tant. Vous voyez ? Alors après, est-ce que le pouvoir est d'accord de payer ? Parce que le problème, c'est que si vous rentrez dans une logique de chantage, du point de vue politique, par exemple, en disant, ok, on paye, l'appétit vient en mangeant. Donc les policiers seraient tentés de demander encore plus. Vous voyez ? Donc si vous cédez trop, vous créez un précédent qui devient dangereux même pour le pouvoir politique. C'est pour ça qu'il y a aussi une forme de résistance. Et, bon, voilà. Mais les policiers français, ils ont fait preuve de leur docilité absolue à l'égard du régime. Et si on les paye, ils iront. Alors, je pense qu'ils vont devenir plus exigeants au niveau de l'argent qu'ils vont demander. Mais ils iront. De toute façon, la maçonnerie est là pour s'assurer que ça fonctionne, d'accord ? Pour protéger le régime républicain, d'accord ? Les deux sont liés, hein, je veux dire, le régime républicain et la maçonnerie, c'est sont liés, justement, ça nous amène à la Révolution française. Donc, ils ne vont pas abandonner le régime, voilà, mais... bon. Alors, messieurs, je vous propose de passer à la rubrique tyrannie sanitaire, on passe ça en revue. Pour cette semaine, vaccination obligatoire en Autriche. Bon, j'en parlais. Bon, bah voilà. Là, je vous donne les sources tout de suite. BFM TV, c'est pas long. Regardez la réalité en face. Confronté à une flambée de cas de Covid-19, l'Autriche prend des mesures drastiques. Le pays a annoncé ce vendredi matin un confinement de l'ensemble de sa population, y compris des vaccinés, pour une durée de 20 jours. Dans un premier temps, ils avaient annoncé le confinement exclusif des non-vaccinés. La mesure prendra effet à compter de lundi. Il s'agit du premier pays de l'Union européenne à prendre une telle mesure face à la résurgence des cas. Le chancelier conservateur Alexander Schallenberg a également annoncé l'instauration de la vaccination obligatoire à partir du 1er février. Voilà, nous y sommes. C'est pour tout le monde. Après des discussions avec l'ensemble des gouverneurs de région. Là encore, le pays est le premier de l'Union européenne à imposer la vaccination. Alors, je vous passe les détails. Hein, voilà. Alors, une première réaction sur ce précédent considérable. Il y avait le précédent letton. Hein, on interdisait aux députés de se présenter s'ils n'étaient pas d'accord. Ça, c'était déjà assez énorme. C'était il y a quelques jours. Bon, maintenant, c'est la vaccination obligatoire. Ça y est, on y est. C'est plus juste vous perdez votre emploi si vous n'êtes pas vacciné. Ça, c'était l'Italie avec Mario Draghi. Bon, hein, l'ancien patron de la BCE... issu de Goldman Sachs. Là, maintenant, ça y est, c'est obligation de vaccination pour tout le monde. Alors, je ne connais pas le dispositif autrichien, donc je ne sais pas ce qu'il prévoit pour mettre en place cette politique. Qu'est-ce qu'on fait aux réfractaires? Bon, voilà, ça, c'est encore l'inconnu. Mais voilà, c'est le premier précédent qui en appelle d'autres. Hein, on connaît ça. Hein, c'est ce que je disais un petit peu au début de l'émission. Là, je disais, de toute façon, il y a une espèce d'émulation collective. La direction générale est fixée, mais chaque État peut un peu innover. Et quand il tente un truc et que ça marche, les autres s'en inspirent. Vous savez, le voisin copie, etc. Ce que disait aussi notre auditeur de Suisse. Il disait, voilà, bon, l'Autriche, avec laquelle on partage les frontières, ont adopté la vaccination obligatoire. Il y a de fortes chances que, ça, par porosité, en fait, ça déborde sur la Suisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Et même, j'ai envie de vous poser la question, c'est qu'est-ce que vous feriez, vous, si jamais en France, demain, on proclame la vaccination obligatoire? La question, alors, c'est comment le fait-il? C'est ça le truc, c'est moi je ne sais pas comment l'Autriche va l'appliquer, donc je me pose la question en fait. Je pense qu'ils ont juste essayé de faire peur aux gens pour que les gens le fassent de même. Quand on regarde les statistiques en Autriche, ils ont un taux de vaccination très proche du nôtre, hein, à peine inférieur. C'est dire si il n'y a pas de non-vaccination en Suisse. On a 80% de la population au moins qui est déjà vaccinée, une fois qu'on enlève les enfants, bien sûr. D'abord, il y a une chose à dire. C'est que avant que tout cela ne démarre en Autriche, il y a eu un changement de chancelier, il y a environ 3 semaines à un mois. Le précédent chancelier, qui s'appelait Sébastien Kurz, a été véritablement obligé de démissionner. Il a été impliqué dans une affaire de détournement d'argent en faveur de son parti, en compagnie de 9 autres personnes, donc ils étaient une dizaine. Le type n'a eu, sous la pression du parti écolo local, qu'une solution, ça a été de remettre sa démission. Bon, l'affaire est en cours, on n'en sait pas plus. C'est un membre, un personnage politique du même parti, le faux pays de Kurz, en l'occurrence Schallenberg, j'ai oublié son prénom, qui est devenu chancelier. Kurz était contre une radicalisation des mesures sanitaires dans le cadre de la pandémie du Covid. Schallenberg est arrivé, après l'affaire que je viens de décrire, et Schallenberg a très vite accepté de prendre des mesures radicales. De plus, les médias ont observé que un personnage un peu particulier, le fils Soros, un des fils Soros, lui a rendu visite. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose là-dessous qui serait peut-être peut-être se documenter, parce que je pense que la démission de Sébastien Kurz n'est pas du tout un hasard, c'est une opération politique. Ça s'entend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fils Soros était en Autriche et qu'il a rencontré à la fois Kurz et le nouveau chancelier Schallenberg. Voilà. Le fils Soros reprend la boutique, je l'annonce pour ceux qui ne sauraient pas. Donc le fils Soros reprend la boutique et bon, il a une force de frappe financière considérable, la force financière de son père. Est-ce qu'il aura l'habileté, l'expertise, l'art de son père pour influencer la politique, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son père le mandate maintenant pour aller le représenter là où il doit être. Et peu de temps après, d'ailleurs, il a rencontré Macron lors d'une tournée européenne, en fait, parce que c'est les deux principaux dirigeants qu'il a rencontrés, c'est le nouveau chancelier et l'ancien en Autriche, et Macron dans la foulée. Et après sa rencontre avec le chancelier, c'est là qu'a été annoncé le confinement d'abord des non-vaccinés, puis des vaccinés, nous dit-on, parce que ce serait la seule solution. Donc voilà tout ce beau monde qui est vacciné, et de nouveau confiné, et de nouveau avec masque, etc. Vaccination obligatoire, comment dire? Il va falloir qu'ils viennent m'attraper par la peau des fesses. Et ça sera le risque et périls. Voilà. J'ai fait une prophétie là-dessus. Je vous ai dit qu'il y aurait des bataillons de négresses à fort accent. D'antillaises. D'antillaises, même d'africaines, encadrées par des infirmières blanches qui viendraient frapper à la porte des gens pour les inoculer. Ça, c'est une de mes prophéties. Moi, je pense que si la vaccination obligatoire est prononcée, ça sera enfin l'opportunité de voir mes bataillons de négresses sillonner les villages de France pour aller traquer les gens qui ne sont pas encore vaccinés. Hein. D'ailleurs, ils sont en train de collecter les informations, s'ils ne les ont pas déjà toutes, sur toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées, etc., etc. Et évidemment, le plan est en train de se mettre en place. Je veux dire. De toute façon, c'est la cohérence du truc. On se doute bien qu'ils ne vont pas tolérer l'existence de, je crois qu'on dit 6 millions, c'est marrant le chiffre d'ailleurs, 6 millions de non vaccinés en France, et ça dans tous les pays soumis au covidisme. Enfin, je veux dire, ils vont pas accepter que ces gens-là restent là. Je veux dire, je pense que c'est clair. Donc, ils veulent s'en débarrasser de ces gens. Soit il faut les piquer de force, soit je sais pas, mais ils veulent clairement s'occuper d'eux, quoi. Ça fait pas l'ombre d'un doute. N'empêche qu'ils vont avoir difficile. Parce que je viens de regarder la presse belge et je m'aperçois qu'au moment où nous parlons, il y a, selon la presse, hein, j'insiste, 35 000 personnes qui manifestent à Bruxelles. Vous savez aussi bien que moi que lorsque la presse annonce X milliers de personnes, en réalité, il y en a beaucoup plus. Je pense qu'ils manifestent normalement contre le pass sanitaire, mais manifester contre la passe sanitaire signifie aussi manifester contre la vaccination. Il faut rester réaliste. Je pense qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas encore atteint le bout de la ligne. Je parle de nos dirigeants, des castes politiques, pour faire vacciner tout le monde. Et là, la manifestation contre le pass sanitaire, d'ailleurs que la presse cite, hein, elle cite la manifestation contre le pass sanitaire. Mais dans la réalité, là-dedans, vous avez beaucoup de gens qui manifestent contre la vaccination tout court. C'est mon avis et je suis certain que je ne me trompe pas. Ah oui, bien sûr. Oui. Tout à fait. Je pense que si les gens ont des enfants et qu'ils veulent les protéger, qu'on en arrive à faire vacciner les gamins de 5 ans ou même les gamins en dessous de 10 ans, enfin les gamins tout court, quoi, bah partez en fait, quittez la France. Vous ouais. Pouvez. Le problème, c'est pour aller où, puisqu'ils suivent tous la même politique. Tu comprends ce que je veux dire Puis même, t'auras une interdiction, je veux dire. C'est évident. Parce qu'imagine, 6 millions de gens décident ouais, en France de partir parce qu'ils veulent. Ils sont bloqués aux frontières, on leur dira non. D'abord, ils pourront pas, c'est ce que je veux dire, quoi. Et d'ailleurs, je suis même surpris qu'ils aient même pas encore adopté la mesure. Et si c'est pas au départ, c'est à l'arrivée. C'est-à-dire que c'est les pays de destination qui disent attendez, vous n'êtes pas vacciné, hors de question que vous mettiez les pieds chez nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont. Mais il faut, aller en Biélorussie. Ce serait. Alors oui, mais encore faut-il pouvoir prendre un avion en destination de la Biélorussie, ce qui à mon avis aujourd'hui. Ben, tant pis, tu prends ta voiture. C'est bien de souligner. Ah, 200, vas-y. C'est bien de souligner le cas de la Biélorussie. Moi j'aime bien Loukachenko, hein, je le dis, alors que d'ailleurs sa tradition politique est très différente, c'est que c'est un homme du système soviétique, hein. Qui a une forme de nostalgie assez répandue en Russie d'ailleurs, pour la puissance de l'URSS. Donc c'est pas mon orientation idéologique, mais c'est un homme fort. C'est un homme fort à la tête d'un pays qui est organisé de manière autoritaire et paternaliste. Mais le paternalisme a des vertus. Alors évidemment, on dit mais Loukachenko, il est corrompu. Oui, comme si les politiciens occidentaux n'étaient pas corrompus. Ah, oui. Ils sont vertueux, nos politiciens. Ils ne piquent jamais dans la caisse, ils ne détournent jamais de fonds. On parlait justement du très démocratiquement élu Sébastien Kurz. Bon, il a été pris les mains dans le pot de confiture. D'ailleurs, c'est peut-être ses petits copains qui, trouvant qu'il n'était pas assez radical au niveau sanitaire, se sont peut-être débarrassés en cafetant. Vous voyez, on n'est jamais trop sûr du quoi qu'est-ce. Donc les accusations de corruption qui viennent de l'Occident à l'endroit de tel ou tel homme fort, bon, ça me laisse toujours de marbre. Alors, est-ce qu'il gouverne bien? Bon, peut-être qu'une partie de la population aimerait du changement, peut-être qu'il y a un vieillissement, bon, voilà. Mais le plus important avec Loukachenko, c'est que au mois de juin 2020, et ça il faut bien le rappeler, c'est au moment du délire collectif orchestré par les médias, lesquels « ouais, on va tous mourir, au secours, confinement, absolument », Loukachenko a expliqué que le FMI lui avait proposé des milliards de dollars en cash s'il acceptait de mettre en place un confinement. Je pense que le FMI, d'ailleurs, qui n'est que le bras armé des États-Unis, avait dans l'idée de créer un effet domino jusqu'en Russie même. Et parce que n'oubliez pas que Minsk n'est pas loin de Moscou. Hein. Et Loukachenko a refusé. Et il a refusé, il a eu le courage de le faire en disant que s'il faisait ça, il détruirait l'économie de son pays. Ce qui est exactement une description exacte de la réalité. Et le FMI a réagi en disant « Bon, écoutez, on vous a proposé X milliards de dollars, vous refusez. À ce moment-là, dites-nous vous la somme que vous voulez, vous l'avez. » Et là, Loukachenko dit « Ils étaient prêts à donner virtuellement n'importe quoi pour que je mette en place un confinement. » Et quand j'ai refusé, là, les choses se sont vraiment envenimées. Et on lui a mis sur le dos, soudainement, toute une série d'agitateurs à la faveur des élections. Est-ce que Loukachenko a truqué les élections? Évidemment. Bien sûr. Bon. Est-ce que c'est un problème? Non. Aux États-Unis aussi, on truque les élections. Hein? Trump a été élu, bon, on lui a piqué les élections, on a truqué tout ça dans les États, bon, voilà. De la même façon, hein, Bush avait été proclamé président des États-Unis, bon, bah, en fait, il avait triché. Bon, voilà. Donc, c'est pas spécifique. Hein. Ce qui importe, c'est de savoir, est-ce qu'il gouverne dans l'intérêt national de son peuple, ou bien est-ce qu'il gouverne contre son peuple? Alors, moi, en Occident, ce que je vois des dirigeants politiques qui gouvernent contre leur peuple. Ça, c'est très clair. Et lui, il a fait l'inverse. Donc, je tends à dire que cet homme, qui, oui, oh, bien sûr, trafique ses élections, n'aime pas tellement les élections, moi non plus, qui certainement pique un peu d'argent pour le remettre à quelques amis, quelques proches de sa famille, eh bien, quand même, globalement, a essayé de protéger son pays avec une certaine sagesse, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler le despote éclairé. Et, on lui en veut. On lui en veut. On lui a collé une révolution de couleurs sur le dos. Il y avait des gens qui avaient certainement des griefs très légitimes qui étaient dans les rues. Moi, je ne le conteste pas. Mais c'était des idiots utiles. Parce que comme en Ukraine, où là aussi, la révolution était organique, populaire, à bien des égards justifiée, le problème, c'est que quand il s'agit ensuite de former un gouvernement, là, la CIA arrive et dit « Non, pas celui-là, celui-là. Pas celui-là, celui-là. » Et c'est là que, oui, 95% du boulot a été fait par le peuple, mais c'est les 5% qui vont faire que la course se termine qui comptent, et c'est cela que la CIA ou que les services de renseignement occidentaux font. Voilà. Et c'est pour ça que ça prenait le chemin en Biélorussie. Et voilà. Et donc maintenant, ils sont ivres de rage. Alors maintenant, ce que fait Loukachenko à la frontière, etc., pour se venger, bon, ça c'est autre chose. Mais je le défends pas. Je veux dire, hein, je suis pas en train de dire qu'il a raison de foutre des Irakiens partout à la frontière polonaise. Enfin, les Polonais ont quand même joué avec le feu. Ils acceptaient d'être les idiots utiles de la juiverie de Washington dans cette affaire, en essayant de renverser Loukachenko. Bon. Alors maintenant, Loukachenko se venge par tous les moyens contre eux. Bon, ils ont beau rôle de venir hurler en se comportant comme des victimes, etc. Bon, je veux dire, s'ils s'étaient tenus à leur place, qu'ils s'étaient occupés de leur pays et pas occupés de leurs voisins, ça serait passé beaucoup mieux. Bon, voilà. Et en jouant le même jeu que l'Union européenne, Loukachenko, parce que l'Union européenne voulait fourrier des migrants, une répartition de migrants à la Pologne que la Pologne n'acceptait pas. Oui. Finalement, Loukachenko fait la même chose que l'Union européenne. Et là, l'Union européenne se chie dessus. C'est extraordinaire. Exactement. J'ai vu des trucs comme ça de Glucksmann. C'est scandaleux. Ils font passer des migrants clandestinement à des fins politiques. Ouais, bah, c'est ce que fait SOS Méditerranée toute l'année avec ses bateaux. Et tout le monde trouve ça bien. Donc en fait, ça dépend qui c'est, quoi. Non, mais la duplicité voilà. des démocraties, je veux dire, c'est extraordinaire. Quoi. Et des juifs qui contrôlent la démocratie, bien évidemment. Alors, donc vous disiez, aller en Biélorussie, se réfugier en cas de vaccination, tout ça. Ben, je crois que Loukachenko, il a envie de personne chez lui, hein, je veux dire, je le comprends. Je veux dire, bon. Mais rien n'est jamais ce que... Enfin, je veux dire, la présentation des événements qui est faite par les médias occidentaux n'a jamais rien à voir avec ce qu'elle est en réalité. En plus, je veux dire, là, le procès qu'on fait à Loukachenko actuellement, parce qu'on parle un petit peu de ce cas-là, c'est vraiment caractéristique, quoi. C'est comme le procès fait à l'Allemagne nationale socialiste. C'est-à-dire que les types, vous voyez, ils prennent l'histoire, mais je veux dire, à la fin, quand ça les arrange, vous voyez, ils caviardent tout le processus préalable qui a mené à cette situation. Donc, Loukachenko est juste un salaud parce qu'il a mis des Irakiens à la frontière polonaise. C'est tout ce qu'on raconte aux gens. Mais on n'explique pas ce qui se passe depuis un an. Un an et demi, même. Alors que c'est ça qui permet de comprendre la situation. Et là, on ne dit rien. On n'explique pas ce qui se passe. On ne dit pas le rôle du FMI. On ne dit pas les pressions pour qu'il confine. Son refus. La révolution qui est manipulée par des gens comme BHL, etc. Le rôle de la Pologne. La commission trilatérale, etc. On ne dit rien. On ne parle pas de tout ça. Voilà, on vous explique le fait. Là, mon Dieu, c'est scandaleux, les pauvres migrants, etc. Bon, je veux dire. D'ailleurs, bon... Pour ce qui concerne les migrants, mais qui les abatte à vue, hein, c'est tout, hein, qui tire dessus. Hein. Plus ni moins, hein. c'est le rôle des gardes-frontières, hein. Les gardes-frontières, c'est ça leur fonction. Hein. S'il y a un de ces métèques qui essaye de passer la frontière, ils ont qu'à l'abattre. Hein. C'est tout. Hein. Voilà. Hein. Donc, bref. Donc pour en revenir à ton propos, mon cher Hopman, d'abord, les 6 millions de non-vaccinés ne pourront pas partir, et même ne voudront pas partir, je pense, et pour ceux qui le voudraient, pour aller où, quand on sait qu'on ne peut pratiquement plus prendre un avion sans être triplement piqué. Oui, d'ailleurs, nous disions tout à l'heure que les États-Unis rouvraient à nouveau leurs frontières pour les vacciner. En fait, la situation est assez amusante, elle me fait penser à l'édit de Fontainebleau. L'édit de Fontainebleau qui est très connu sous le nom de révocation de l'édit de Nantes. Vous savez, cet épisode... qui a fait partir à peu près 200 000 protestants du royaume de France vers les trois quarts du règne de Louis XIV. Mais aujourd'hui, Hotman nous invite à un nouvel exil des forces vives de la nation, sauf que cette fois, bizarrement, on met tout en place pour qu'on ne parte pas. Enfin, au moins Louis XIV a eu la décence de laisser les protestants partir. C'est... Bah écoute, j'ai envie de dire, il faudrait faire la liste des pays dans lesquels on pourrait aller en cas de coup dur... Sans autre chose qu'un test PCR. Il y en a pratiquement pas. Il y a pratiquement pas. Ah si, il y a des pays d'Afrique. Ah oui, d'accord. Je croyais qu'on parlait voilà. d'Europe. Non, mais en plus, il y a des idées reçues. Parce que, par exemple, les gens qui louent Orban sur sa politique migratoire, moi-même, très bien, j'applaudis, c'est très bien. Mais vous regardez ce qu'il fait au niveau sanitaire, ça n'a rien à envier à ce qu'on subit dans les autres pays occidentaux. Je veux dire, Orban applique avec la même dureté les oukas sanitaires, alors peut-être pas exactement pareil ou dans la même amplitude, mais enfin, je veux dire, il a des propos extrêmement durs sur la vaccination, en faveur de la vaccination. La Slovaquie, une véritable tyrannie. Une véritable tyrannie. Un État de 3 millions d'habitants, c'est une véritable tyrannie. Je vous rappelle d'ailleurs que l'opposition nationaliste est très sévèrement réprimée dans ce pays, hein, avec des leaders élus qui sont condamnés à de la tôle par le régime corrompu slovaque, à la botte de Soros et de sa clique. Hein. Donc, attention à la question de l'immigration, qui est une question, c'est pas la seule. La tyrannie sanitaire, en fait, la tyrannie globaliste mise en place par les juifs, sous prétexte sanitaire, trouve des avocats extrêmement virulents à l'Est. Donc il faut se méfier. Faut se méfier. J'ai cité le cas de Letton aussi. Donc, moi, je n'ai pas de... De toute façon, ça n'a pas laissé beaucoup de... Excuse-moi, mais ça n'a pas laissé beaucoup de latitude, en fait. Exactement. Et... Moi, de Et ce alors que j'entends... Tout ceci est... Vas-y, tout ceci, j'ai remis sous mes yeux les statistiques infectieux données par World in Data pour l'Autriche. C'est absolument absurde. C'est-à-dire que par rapport à novembre de l'année dernière, sur un an, Il y a un an, il n'y avait pas de vaccinés en Autriche. L'Autriche se vaccine à peu près au même niveau que la France. Résultat, entre novembre 2020 et novembre 2021, nous avons aujourd'hui un taux d'infection Covid qui a doublé. Le pic est double de celui d'avant. Par contre, le nombre de décès, il faut dire qu'on a eu la purge, a été divisé par à peu près 5. Et en ce qui concerne la vaccination, bah on le répète, on est à quand même 80%. Ce qui sous-entend que, à supposer même qu'on soit pro-vaccin, le vaccin réduirait la létalité du virus. Moi, je pense que c'est surtout qu'on a purgé tous les vieux malades. Par contre, il multiplie par 2 les possibilités de contamination. Alors, il faut supposer que les 10% de non-vaccinés sont à eux seuls des espèces de bottes de pétri ambulantes. C'est complètement absurde. Ah oui, totalement, mais la vaccination en pleine pandémie revient à jeter de l'essence sur un brasier, ni plus ni moins. C'est ça pousse le virus à muter et ça sélectionne. En fait, la vaccination élimine les souches modérées. Les espaces laissés vides sont immédiatement réinvestis par des souches beaucoup plus virulentes et plus résistantes à la vaccination, et on repart pour un cycle. Et là, ils vous disent « Ah oui, il nous faut des boosters ». On remet des boosters, on réélimine les souches alors plus virulentes mais modérées comparativement aux autres qui sont encore à l'état latent, et on repart pour un cycle. Faites ça pendant quelques années, vous allez vous retrouver avec des souches totalement résistantes à la vaccination, extrêmement virulentes et probablement plus létales. Donc, je veux dire, si on voudrait tuer des gens, on le ferait. Mais au plan de la technique vaccinale, c'est aberrant. Je veux dire, on vaccine avant d'être au contact d'un virus, pas pendant qu'un virus circule, ça n'a pas de sens. Si vous voulez. Ça, c'est complètement contre-productif. Ils le font. Donc, on peut vraiment se poser des questions, même si on a déjà. Oui, d'autant plus que tous les tractations qu'il y a eu entre les gouvernements et les laboratoires en France font l'objet d'un classement secret défense depuis peu. Donc, Alors, il n'est pas secret défense en France, mais oui, tout à fait. Ah, si, moi, j'ai vu passer dans l'Express comme quoi, en France, les tractations entre le gouvernement et les laboratoires étaient classées secret défense et qu'on ne pouvait pas y avoir accès pendant plusieurs décennies. Ah oui. Ah bah c'est parce ce qui s'est passé aux États-Unis. Ouais, voilà, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Voilà, il y a le cas aux USA, mais moi j'ai vu passer. Alors, il me semble. Alors, à moins que le screenshot que j'ai vu passer soit fake, mais je ne me suis pas amusé à chercher parce que de toute façon ça me semble tellement possible que bon, je dis bah ok, bah c'est comme ça, de toute façon on n'est pas mis dans le fait établi. Et... Mais juste, moi je me pose la question. À savoir que. Un gouvernement, lorsqu'il veut véritablement se débarrasser de gens qui sont millions de personnes, ça fait beaucoup de monde, bien entendu. Millions de personnes ne vivent pas au même endroit, elles ne sont pas regroupées, elles ne sont pas armées, etc. Donc bon, c'est compliqué d'organiser ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on a eu le cas aux États-Unis de plusieurs soit communautés, soit groupes d'individus désirant se retirer de la vie, on va dire, traditionnelle. Pas traditionnelle, mais de la vie normale de l'époque, pour vivre dans des communautés à l'écart de la société. Alors il y a eu Ruby Ridge, il y a eu Waco, il y en a eu d'autres certainement. À chaque fois, le gouvernement a envoyé des soldats ou la police avec des prétextes fallacieux et tuer les gens en fait. Donc le massacre de Waco, par exemple, c'était le FBI et le... l'ATF, donc c'est Tobacco and Firearms Agency en fait, l'agence qui s'occupe du tabac et des armes à feu. Et sous un prétexte fallacieux, ils ont fait déployer une troupe de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'hommes, avec un tank Sherman modernisé. Il n'y avait pas un lance-flamme sur le Sherman, bon bref. Ah, ils les ont brûlés vivants, hein. Ah oui, ils ont explosé la baraque, ils ont brûlé vivants, il y a eu des morts, il y a eu très peu de survivants. Je crois que je sais pas s'il y a eu des survivants d'ailleurs. Bon, c'était une communauté bizarre, hein. Il y avait une espèce de gourou à l'intérieur et tout, d'accord, mais bon, les gens méritaient pas forcément d'être abattus comme ça, quoi. Et Ruby Ridge, c'est pareil, c'est à la base c'est un couple, et je crois qu'il y avait eu un ami ou deux qui s'étaient greffés à l'histoire, et ils voulaient vivre peinard en dehors de la société, loin de tout le monde, dans une cabane. Et ont trouvé des prétextes fallacieux, ils ont abattu le mari, ils ont abattu la femme qui était enceinte. C'est un tireur de précision qui a abattu la femme enceinte. Alors faut y aller quand même, quoi. Et c'est des blancs qui tuent des blancs, hein. C'est pas des... Hein, voilà, bon. Donc, moi, la question que je me pose, c'est ça. C'est-à-dire que... En plus, on a vu en France, le groupe, on en a parlé il y a quelques temps, là, le groupe... Comment il s'appelle, le groupe, déjà, là? Oui. Qui s'est installé en plein Matiti, là. Ah, ouais, c'est ça, ouais, qui voulait acheter tout un... One Nation. Voilà, c'est One ça. Nation. Donc, on a vu que... Alors là, c'est même pas l'état de base, c'est les riverains. La question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on fait des groupes, si on achète des maisons, si on constitue des choses, et qu'on veut faire chier personne, qu'on ne veut pas être violent, qu'on veut juste être laissé tranquille, ils viendront nous chercher. Ils viendront nous chercher ou ils nous abattront. Ils le feront. Moi, j'ai pas de... Je sais très bien. On a présenté... on est face à un choix cornélien. Là, soit on accepte le vaccin avec les risques que ça comporte, qu'on peut crever maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, on peut devenir stérile pour les jeunes femmes ou les femmes tout court, on peut finir en fauteuil roulant, ou alors on combat. Si on combat, on combat comment? Ou alors on s'enfuit. Mais on vient de dire que s'enfuir, à part la Biélorussie ou certains pays d'Afrique, ou peut-être d'Asie, notamment la Thaïlande, je pense qu'on peut encore y aller par exemple. La Thaïlande, c'est drastique, hein. Attention, hein. Le Covid-19. Ah, bon, ah, ouais, ah, je savais, ouais, pas, ouais, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que c'est aussi drastique en Europe, etc. Ça, je laisse à l'appréciation de chacun de se faire son opinion, mais ils sont pas du tout inactifs. C'est ça qui est effrayant avec ce véritable assaut organisé contre les peuples. Là, pour le moment, en fait, ouais, on est dans un rapport de force. On est dans un rapport de force. Et on voit bien en France, par exemple, parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron a pris la parole en juillet pour booster le nombre de vaccinés, il a eu un certain succès, il a dit on va réfléchir à la vaccination obligatoire. Donc il en a déjà parlé, d'accord? C'est pas quelque chose qui... Voilà, il en a parlé publiquement lors d'une prise de parole officielle. Donc l'idée, c'est même pas qu'elle circule, c'est que la décision est déjà prise. La question, c'est quand l'annonce-t-on? Pour le moment, le pouvoir politique, en ce qui concerne la France, hésite parce qu'ils se disent que l'opposition est encore trop forte. C'est ça qui fait qu'ils ne la proclament pas. Mais quand ils estimeront que ça sera bon, alors à voir selon quels critères, mais quand ils estimeront que ça sera bon, ils l'annonceront. Et progressivement, comme ça, ils veulent réduire le nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est-à-dire en fait qui ne sont pas rentrées dans le programme de domestication radical des masses. Et voilà, et ils se diront, bon voilà, et à la fin de la fin de la fin, il va en rester quelques centaines de milliers, peut-être 200 000 ou 300 000, et ceux-là, on va utiliser la manière forte contre ces types. C'est-à-dire qu'eux, on va vraiment y aller, mais de manière très très violente, quoi. Et c'est ça le programme. C'est ça le programme. Il n'y a pas d'autre programme. C'est ça le programme. Bah écoute, j'ai envie de dire, le jour où ils font ça, légitime défense, hein. Bah, on va voir ce qui va se passer, mais parce qu'après il faut voir comment ils vont le mettre en place, etc. Je pense, et le truc, ce qui sauve un petit peu la situation en France, c'est que fort heureusement les fonctionnaires français sont des imbéciles doublés d'incompétents. Donc ça aide quand même beaucoup, parce que paradoxalement, face à cette espèce de d'administration pachydermique, il y a énormément de non seulement de lenteur, mais en plus d'incurie, de manque de détermination, d'hésitation aussi, parce que tous ces gens-là savent pertinemment qu'ils n'ont aucune légitimité. Et en fait, le moindre signe de résistance leur fait très peur, parce qu'ils se disent, mais ça représente combien de gens vraiment, ça? Est-ce que si on pousse trop, ça va pas être le coup de force de trop? C'est ça qui explique, en fait, dans la manière de gouverner, l'attitude des Français en général, je parle des autorités françaises. Pourquoi elles ne poussent jamais trop loin, trop vite? C'est parce qu'elles ont toujours, la peur de la révolte généralisée, qui est ancrée dans l'histoire de France, je veux dire. Donc, ils se disent, ça peut venir n'importe quand. Ça passe ou ça casse. Ils ne sont jamais sûrs de leur effet, vous voyez. Dans d'autres pays, c'est plus facile à anticiper. En France, il y a toujours une inconnue, en fait. Ce qui explique... Le côté hésitant dans ces prises de décision de la bureaucratie française, des administrations, des ministères. C'était comme ça, leur façon à la fois d'être à la fois caporaliste et le manque de résolution. Vous voyez, c'est constamment cette attitude, c'est-à-dire des accès d'autoritarisme comme ça, des coups de menton, tout d'un coup, au milieu du chemin, tout d'un coup, tout s'arrête, on ne sait pas pourquoi, etc. Parce qu'il y a eu deux, trois signaux comme ça d'hostilité qui commençaient à croître, et hop, tout d'un coup, tous les fonctionnaires disent « Oh là là, vite, vite, vite, on arrête, parce que ça va mal se terminer ici, j'ai pas envie d'être blâmé pour la foirade. » Donc c'est ça qui nous sauve. Ce que tu décris, quand même, ça ressemble de plus en plus au gouvernement d'un État nord-africain. Et c'est ça. Mais par contre, en Allemagne, quand la décision est prise, ils l'appliquent. Et là, c'est dangereux. Même chez les Britanniques. Le problème, c'est que les Allemands et les Britanniques prennent très au sérieux la politique d'État. Alors que chez les Français, il y a toujours ce caractère manfoutiste qui fait que personne ne prend jamais rien au sérieux. C'est ça qui sauve un peu la boutique en France. C'est ce que je décris, quoi. C'est le fait que, finalement, les gens font des trucs, mais se sentent pas impliqués personnellement, vous voyez. Même chez les politiciens, quoi. Tout le monde fait quelque chose, mais personne n'y croit, je veux dire. C'est ça la caractéristique française. Il y a trop de légèreté dans le caractère français pour jamais s'impliquer à fond dans quelque chose. Il me semble qu'en Ukraine, ils n'ont pas encore eu de vaccination obligatoire. Vous avez les moyens de partir, que ce soit en Russie ou en Ukraine, c'est le moment peut-être. Il n'y a que l'Autriche qui fait de l'obligatoire. Et l'Ukraine, la grande force de l'Ukraine, c'est sa faiblesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État central fort. C'est la même chose. C'est ce qu'on disait avec les États-Unis quand on parle du Texas, de la Floride, du fédéralisme américain. Alors, c'est pas la solution à tout, je veux dire, mais clairement, parce qu'on l'a vu avec la Suisse, par exemple, mais clairement, quand plus le pouvoir central est fort, plus c'est facile pour l'élite en place d'appliquer sa politique. Bon, c'est une évidence. Voilà. Alors, du coup, en Ukraine, y a-t-il seulement un État central? Est-ce qu'on peut appeler ça un État central? Moi, j'ai l'impression que c'est surtout un maquis d'hommes d'oligarques puissants, régionaux, qui font surtout la pluie et le beau temps. Hein. Ils appliquent pas. Ça, c'est pas du tout comparable avec la France. Paradoxalement, quoi. Par contre, ce qui est sûr, quand je disais les Français sont des manfoutistes, ils appliquent pas parce qu'ils prennent pas au sérieux. Attention, par contre. Ils appliquent avec toute la dureté possible les lois quand ils sont sûrs de chasser à 1000 contre 1. Vous voyez ce que je veux dire? Tu parlais d'un État nord-africain, bon, bah, y a quelque chose d'un petit peu similaire. C'est-à-dire que quand ils savent qu'ils ont une proie qui est seule, isolée, alors là, vous avez toute la brutalité du système administratif français, ou judiciaire, ou policier, quoi. Alors là... C'est pour ça que la meilleure façon de décrire le système français, c'est fort avec les faibles et faible avec les forts. En France, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. C'est pour ça que les gitans, ils font ce qu'ils veulent. Les gitans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les mecs sont dans des caravanes, tout est volé, ils pillent partout, etc. Pourquoi on ne fait pas trop chier les gitans? C'est parce que les flics savent qu'à moins d'avoir 200 gendarmes pour encercler un camp de gitans, avec de l'armement lourd, il n'est pas question d'y foutre les pieds. Parce qu'il y a un coup de fusil qui va partir. C'est garanti. On ne va pas envoyer deux pandores dans un camp de gitans pour aller commencer à faire des perquisitions. Ils vont se prendre un coup de fusil, c'est garanti, quoi. Donc, ils vont pas vers eux. Par contre, un bon citoyen français... Monsieur Martin qui paye ses impôts, qui est un homme réglo de A à Z, alors lui on va aller le faire chier. Parce que pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour cette bureaucratie impotente, il est beaucoup plus facile d'aller traquer des gens inoffensifs que d'aller traquer des gens qui rendent des coups. C'est aussi simple que ça. Puis je crois qu'il n'y a pas que cela non plus. Il y a aussi un autre aspect dans le cas des gitans et des nomades en général. C'est que le nomade n'est pas de façon stricte un propriétaire. Il n'a donc rien à défendre, ou ce qu'il a à défendre est tellement souple d'emploi qu'il est peu sensible à une quelconque pression. Par contre, la personne qui possède sa maison, qui possède son terrain, qui possède un travail, tous ces gens-là, on sait faire pression sur la propriété, sur le terrain, sur le travail, sur la condition sociale, etc. C'est ça aussi qui fait la force, je ne vais pas dire des gitans, mais des nomades en général. Et l'on retrouve cet aspect-là de la question à très haut niveau. Les grandes sociétés multinationales sont dans le même cas. Ce sont des sociétés nomades. Il faut voir les choses comme elles sont. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter au premier degré. C'est bien plus profond qu'on ne l'imagine. Ah oui, indubitable. Dans le cas des Juifs, c'est tout à fait évident. Hein, je veux dire. Les Juifs, je dirais juste un mot, tu ne seras peut-être pas d'accord. C'était des nomades au départ, la tribu des Apirous. Aujourd'hui, ils sont toujours une sorte de société nomade que l'on qualifie de cosmopolite, ce qui est un synonyme. Oui, ils restent nomades. D'où la grande facilité avec laquelle ils bougent. Ce que disait Glucksmann, hein, je me sens plutôt chez moi à Berlin, à Londres ou à New York, exactement. Qu'en Picardie. Et oui, effectivement, c'est certain. Bien, bien le camarade BHN, hein, avec sa fameuse tirade à propos des, je ne sais plus moi, des Auvergnats ou des Bretons, lorsqu'il dit que pour lui, tout ça, c'est du... Ah, j'essaye de me rappeler les termes qu'il a employés, mais c'est franchouillard, ça n'a aucune valeur, quoi, grosso modo. Ah, lui, il dit que c'est odieux. Ah, j'étais quelque chose comme ça, il y a quelques années. Non, mais en plus, là, quand il disait ça, Bernard-Henri Lévy, c'était vraiment de la haine raciale, quoi. Mais ça, c'est bien, les gens, parce que les gogoles là, qui sont en train de jouer les pom-pom girls pour les juifs, comprennent pas ça. Chez le juif, la haine raciale vis-à-vis de l'homme blanc, elle est ancrée dans l'ADN. C'est une haine instinctive du nomade pour l'arien. Il n'y a rien à faire. C'est ancré chez eux, ouais. Ça. C'est exact. Pour le sédentaire, exactement. Pas seulement l'arien. C'est ainsi depuis la nuit des temps. C'est une lutte éternelle entre eux. L'état de nomade et l'état de sédentaire. On peut remonter aussi loin qu'on veut dans la mémoire des hommes. Il y a toujours eu cette opposition et elle existera toujours, à moins qu'une des deux catégories d'individus ne vienne à disparaître. Alors, j'ai retrouvé les propos de Bernard-Henri Lévy. En fait, il soutenait de manière pas du tout communautaire, bien sûr, Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, manifestement un peu éméché sur un plateau de Dieu Culture, a balancé que les Auvergnats sont des bouseux. Ils vivent loin de la modernité. Alors, qu'ils ont en fait, il dit, on ne vit pas en Auvergne comme au Moyen-Âge, mais on en a toujours l'esprit. Et là, Bernard-Henri Lévy, soutenant Alain Finkielkraut, car étant juif, Alain Finkielkraut ne peut être qu'injustement vilipendé, a surenchéri en disant « Il faut reconnaître que depuis Paris, l'Auvergne semble être un pays sous-développé. Il n'y a pas à discuter là-dessus. » Oui, en fait, moi j'ai cité les Auvergnats parce que je ne retombais plus sur les termes exacts de la citation de BHL, mais en fait c'est juste ce que disait Gandalf. Dedans, il dit que tout ce qui est franchouillard lui est odieux, effectivement. Il n'a apparemment pas changé d'avis, ce qui est quand même amusant hein, pour un séfarade hein, qui vient quand même d'Afrique du Nord. Hein. Donc, dans le genre pays poussiéreux, merdique, on fait difficilement mieux. Hein. Oui, mais il est plus français que toi, mon bon. Tout est là. C'est vrai, il est plus républicain que moi. Exactement. J'ai trouvé un pays où il n'y a pas de vaccination obligatoire, mes chers amis. Ah, vas-y. Taïwan. Ah, là, vous allez être vacciné à coup de missile. Alors, j'ai la citation de Béchamel, là. 1985, éditorial dans Globe. Alors, Globe, référence au Globe mondial, vous savez, c'est marrant, hein, l'imaginaire des Juifs, c'est tout à fait frappant. Bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites. Bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, bourré, biniou, bref, franchouillard ou cocardier, nous est étranger, voire odieux. Exact, voilà. Donc ça, c'est bon, ça c'est de la haine raciale juive à l'état pur. Hein, je veux dire. Là, il parle ethnique. On est dans l'ethnique, là. Hein. Il dit, voilà, ce que vous êtes, là, vos traditions, votre être entier, là, tout ça, c'est non seulement vous nous êtes étrangers, mais vous nous êtes absolument odieux. Odieux. Et donc, c'est en 1985. Et 37 ans plus tard, Bernard-Henri Lévy se porte toujours très bien. Il est encore invité sur les plateaux de télévision, d'ailleurs, pour faire le même office. Ouais, comme quoi. C'est là que tu te dis qu'on a raté le coche, quoi. On a raté le coche. Dans d'autres pays. Non, mais c'est ça. Voilà. Pour Loukachenko, il avait d'ailleurs. Il s'était rendu dans les pays baltes pour essayer de semer de l'agitation en Biélorussie, parce qu'il se voyait déjà à Minsk, comme il s'était vu à Kiev, haranguer la foule avant de leur annoncer, la proclamation de leur arrimage à la démocratie multiraciale juive internationale. Voilà, donc c'est un espoir déçu pour Bernard-Henri Lévy. Voilà. Enfin, vous en faites pas. Hein. Entre temps, il a changé de. Il est passé là par l'Afghanistan cet été, où il avait une guerre sur le feu. Puis là, il est revenu en Biélorussie récemment, mais je crois qu'il va encore avoir d'autres projets là. Voilà. Mais c'est vrai que bon, l'âge se fait présent maintenant, et c'est quand même Raphaël Glucksmann hein, qui essaye d'incarner le rôle du juif cosmopolite, aussi insolent que prétentieux et gaffeur, et qui expose, les revendications bellicistes de sa race. Alors, pour le coup, au Parlement européen... Je me pose une question. Quand je vois des types comme BHL, Soros, Fils, Père, Bourla et compagnie, je me demande si... Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Tu dérailles avec les juifs ? Je risque de ne pas les envoyer à destination. Et ouais, ce serait dommage. Ouais, je me demande en fait si les quatre cavaliers, ce ne serait pas en fait des stéréotypes juifs aussi. Genre Bourla, ça pourrait être pestilence. BHL, ça pourrait être guerre. Mais tout, oui, Amine, enfin, ça serait. Tu pourrais hein, éventuellement, mais. Alors, quand même, une information, j'aimerais que vous me donniez votre avis là-dessus, toujours BFM TV, hein, qui a mis ça en avant. Ça, c'est carrément un sondage BFM TV. Donc là, on est chez Drahi, hein, milliardaire juif à multiples passeports, qui pousse dur, non seulement la candidature de Zemmour, mais aussi des mesures de plus en plus dures contre les Français non vaccinés. Alors, je vous livre ça, très court, trois paragraphes. Alors que la situation sanitaire se dégrade, 60% des Français se disent en faveur d'un reconfinement qui concernerait uniquement les personnes non vaccinées, d'après un sondage Elab pour BFM TV. Je vous passe les détails hein, du sondage. Bref, je ne vais pas vous lire tout ça. Voilà. Donc 60% des Français favorables à l'internement à domicile des non vaccinés, des gens qui n'ont pas accepté de se faire Pfizeriser, au motif... pensent ces 60% de Français, ou en tout cas si l'on en croit ce sondage, hein, sous toute réserve, pensent-ils que cela permettrait de sauver la boutique et de limiter les effets du Covid, dont on nous dit qu'ils sont par ailleurs effrayants. Qu'est-ce que vous en dites ça, de ces 66 Français sur 10 qui voudraient, ben, dans les fêtes, enfermer les autres chez eux ? Ça ne m'étonne pas. Moi, je pense que c'est assez représentatif. Je ne crois pas qu'il soit faux, hein, le sondage. Je veux dire, je pense que c'est à peu près ça. Ah, il est évident qu'il faut confiner les enfants chez eux. Hein, je suis d'accord. On tombe sur le même principe que celui qui a été évoqué tout à l'heure, celui des armes. Il vous suffit de faire un sondage, si vous voulez faire disparaître un maximum d'armes de la population, il suffira au pouvoir d'organiser un sondage. Êtes-vous pour ou contre ceux qui possèdent des armes, par exemple? Et là, vous allez avoir une majorité de la population qui ne possède pas d'armes et qui dira, qui réfléchira plutôt et se dira, je ne vois pas pourquoi mon voisin pourrait avoir des armes, alors que à quoi ça lui sert alors que moi je n'en ai pas. Et fatalement, on va trouver une majorité de personnes qui vont être contre la possession d'une arme, tout simplement. Eh bien, pour les vaccinés, je pense que c'est exactement pareil. Oui, ça tombe sous le coup du bon sens. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de se soumettre. Ils ne voient pas pourquoi mon voisin ne se ferait pas vacciner. Enferme chez lui d'urgence. Comme ça, je vais pouvoir retrouver ma vie d'avant, n'est-ce pas? Alors, pour faire écho un peu au courrier des lecteurs qu'on a reçu cette semaine, on a un excellent track record après 2 ans de pandémie. C'est ce qu'il disait d'ailleurs dans son courrier. On ne s'est pas trompé. On a dit tout ce qui allait se produire. C'est pas parce qu'on est plus intelligent, c'est simplement on est observateur et on a croisé les informations qui étaient à disposition en anglais, en français, venant de différents pays. On a comparé les expériences, les expérimentations, et on a vu que le discours officiel ne collait pas. On a relevé les incohérences, on a été voir différentes sources qui permettaient de remettre en question le discours officiel, et progressivement, on a commencé à comprendre ce qui se passait. Bon, aujourd'hui, on a une vision assez définitive, mais on s'en est plutôt pas mal sorti. Et le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes plus dans un problème de déficit d'information. Parce que depuis qu'ils ont proclamé, si vous voulez, l'interdit sur toute nuance, face à ce que le système proclame, au nom de la lutte anticomplotiste, qui ressemble maintenant à un anathème, hein, c'est une accusation d'hérésie aujourd'hui, bah de toute façon, la pensée critique est de fait devenue interdite. Il n'y a plus d'espace pour la nuance, c'est très clair. Hein, je veux dire, sans même être sur nos positions, quand vous avez quelqu'un qui dit « Attendez, là j'ai quand même des doutes », il sort déjà du périmètre autorisé. Donc nous avons affaire à des gens qui ont arrêté de réfléchir, si jamais un jour ils ont réfléchi. Moi je pense que le troupeau ne réfléchit pas d'une manière générale. Il y a une toute petite minorité de gens qui réfléchissent, environ 10% de la population, peut-être un peu moins, qui ont vraiment ce qu'on appelle un esprit critique. 80% des gens suivent aveuglément ce qu'on leur dit, simplement sous l'effet d'entraînement de la masse, quoi. Et en fait, les 6 millions sont ces esprits critiques. Ce sont eux qui disent « Non, mais moi, vous n'êtes pas convaincu. Je refuse la vaccination. » Voilà. J'ai lu, je me suis renseigné, etc. Voilà. J'ai tranché. Et en fait, cette opération qui se concerte là entre les gouvernements contre les non-vaccinés ressemble véritablement à une offensive contre ceux qui ont encore un esprit critique. Tous les autres sont déjà acquis. Donc ce sondage-là, les 60% là de Golem, qui acceptent, enfin qui sont pratiquement... Alors, nous dit-on, parce qu'on leur... C'est pas eux qui le demandent, mais on leur pose la question. Ça c'est la façon dont procèdent les médias. C'est-à-dire qu'ils créent une polémique, ils créent une proposition à partir de rien. Ils disent, une semaine avant, faut-il enfermer les non-vaccinés ou pas? Bon, la semaine suivante, on prend un sondage. Ah, tiens, les Français sont d'accord. Et la semaine suivante, ça devient une politique d'État. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche, la manipulation de l'opinion. Et les veaux ne le voient pas. Ils ne voient pas qu'à aucun moment, ils sont manipulés, alors qu'ils sont intégralement manipulés. Donc, dans ce... Et surtout, la façon de poser la question. Ah, évidemment. Bah oui, on leur dit, est-ce que pour le succès de la campagne de vaccination, vous pensez que les non-vaccinés devraient rester chez eux? Bah évidemment, ils sont pour le succès de la... Ils pensent qu'ils vont... Mais non. De toute façon, ça ne peut pas fonctionner, je l'ai déjà dit ici, mais en dehors même de la stratégie vaccinale, en raison du fait que les coronavirus circulent dans la faune sauvage ou dans la faune domestique, notamment les élevages, vous ne pouvez pas empêcher le virus de circuler et de muter. C'est impossible. Mais c'est le cycle normal de tout ce qui est grippe saisonnière et compagnie, ce n'est rien d'autre en fait. Bien sûr, c'est pour ça que quand on s'intéresse, je veux dire, une demi-heure au problème, on comprend que c'est une manipulation. Donc comme le système se fout de savoir, le système n'a pas d'objectifs médicaux. Le système veut contrôler la population et, comment dirais-je, la réactivation permanente de ces soi-disant phases, etc. Pourquoi on trouve des cas? Parce qu'on les cherche. C'est pas parce que les hôpitaux croulent que là, on a vu simplement 5% des cas de réanimation en 2020 concernaient des gens atteints du Covid. Il n'y a jamais eu de saturation d'hôpitaux. Mais si on veut trouver, on trouvera. On va vous trouver des chiffres. Mon Dieu, regardez la phase, au secours, tout le monde est contaminé, etc. Et donc, on arrive dans cette situation aujourd'hui aberrante parce que le système n'a pas d'objectifs médicaux. En revanche, il a des objectifs politiques de contrôler les populations. Et donc, on leur dit, voilà, au secours, la cinquième phase, c'est ce qu'a dit Attal, là, aujourd'hui. Il a dit, une cinquième vague arrive, elle est encore plus fulgurante. Donc, on va vous expliquer, après 2 ans de covidisme, après avoir mené une énorme campagne de vaccination, on en est déjà pour certains à la 3e dose. Ils arrivent en disant, mon Dieu, on n'a jamais vu une vague aussi puissante, aussi virulente. Donc là, c'est le juif Natal qui sort ça. Enfin, je sais pas, vous voyez, vous pensez bien, et je te donne la parole, Zikombi, vous pensez bien que si les gens, dans leur grande majorité, ne voient pas la ficelle, ils la verront jamais. Enfin, sauf c'est peut-être qu'arriver à la 6e piqûre, avec des problèmes cardiaques, etc., là, ils vont peut-être commencer à se poser des questions. Je veux dire, mais bon, pour le moment, là, ça suit. Je veux dire, en tout cas, à ce stade, je n'ai pas vu d'opposition drastique. À la 3e dose. Il y a une chose qui est, à mon avis, à craindre, peut-être pour l'avenir, c'est que si les manifestations que nous, anti-vaccinales finalement, n'ayons pas peur des mots, continuent, si elles tiennent le coup, si elles s'amplifient, le pouvoir qui est aux manettes dans cette pandémie, parce qu'il y a un pouvoir caché qui est aux manettes, que l'on pourrait définir, mais bon, ça serait tout un sujet. Je pense que ces gens ont peut-être autre chose sous le coude. J'ai lu 2 ou 3 articles sur un sujet qui m'est tombé par hasard sous le nez, par le biais des réseaux sociaux, sur un bouillon de culture qui a été trouvé dans un laboratoire américain à Philadelphie. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Non. Eh bien, on a découvert, c'est une dénonciation d'un employé d'un laboratoire de recherche pharmaceutique américain, bien sûr, à Philadelphie, qui a alerté le FBI, ou en tout cas la police qui elle-même a appelé le FBI, sur la présence dans ce laboratoire de bouillons de culture, enfin du virus de ce qu'ils appellent le monkeypox. Apparemment, c'est la variole. Également, le virus du smallpox. Ça, ce serait la petite vérole. Et je dis « serait » parce que moi, je suis pas spécialisé là-dedans. Et le FBI est descendu. Le problème numéro 1 qui apparaît, c'est que le laboratoire en question, qu'on ne définit pas, on ne dit pas c'est tel laboratoire, telle installation à Philadelphie, il n'y a pas de précision. En fait, ce qui se passe, c'est que le laboratoire en question n'est pas un laboratoire qui est d'un niveau de sécurité dit P4, comme un WAN. Et donc, ne peut pas, n'a pas les moyens de contrer une éventuelle fuite ou un incident qui arriverait dans ce laboratoire. Ils ne peuvent pas disposer de ce type de virus. Or, la nouvelle, c'est que ce monsieur, qui est un chercheur, a dénoncé la présence de ces flacons, de ces virus, disons. Voilà. Et je me demande si, quelque part, ce n'est pas quelque chose que ceux qui sont aux manettes de la pandémie du Covid, ne gardent pas sous le coude. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques années, Bill Gates avait fait un discours public, et dans ce discours public, il avait cité, en disant qu'on risquait des pandémies, et qu'on n'était pas préparé contre cela, etc., etc., et il avait cité, entre autres, le monkeypox, justement. Alors, il faut... Moi, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas plus que ce que je viens d'expliquer, mais je serais méfiant quand même. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire de smallpox, qui avait eu cours d'ailleurs durant la guerre d'indépendance américaine. De toute façon, on sait déjà, parce que maintenant on a les éléments, hein, on sait déjà que Bill Gates et ses équipes sont derrière des programmes de guerre biologique qui ont abouti en fait à ce coronavirus modifié en laboratoire depuis que en fait on a pris la main dans le sac d'Atsak, vous savez, ce chercheur britannique d'origine ukrainienne qui a fait des demandes de financement pour créer des coronavirus avec des taux de létalité pouvant atteindre jusqu'à 30%. Donc on sait que Bill Gates est celui qui a lâché le virus dans la nature. Et probablement, d'ailleurs, ce n'est pas le seul virus dont il dispose. Et en coronavirus, je dis. Il a peut-être d'autres. Et il a peut-être l'intention d'en diffuser. Moi, je ne serais pas étonné, parce que, attention, vous savez, là, ils sont en train de lâcher à la frontière sud des États-Unis, il y a beaucoup de monde qui s'accumule là-bas. Vous avez des gars qui viennent d'Amérique centrale, etc. Et c'est pas qu'ils ont une passion immodérée pour ces gens-là, mais ça ferait des formidables vecteurs. Alors pour semer la panique aux États-Unis, ça serait pas mal du tout. Il suffit d'envoyer quelques équipes spécialisées dans ces agrégats de population à la frontière, de les infecter avec de l'eau ou autre, et ensuite de les faire rentrer. Et là, on peut les diffuser, etc. Comme ils n'ont pas de papier, etc., très difficile de remonter ensuite, savoir qui a fait quoi, etc. Et moi, je ne serais pas étonné que Bill Gates ait des projets de cet ordre en tête. Je ne serais pas du tout étonné, parce qu'il a annoncé récemment, je ne sais pas si vous avez vu, il a annoncé que le vaccin ne marchait pas. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Il a reconnu que le vaccin ne marchait pas. Il a dit « it doesn't work ». Ça ne marche pas. Et il est déjà en train de préparer des nouveaux vaccins. Vous voyez ? Mais s'il faut foutre un coup de pression aux populations, je ne sais pas, avec un variant particulièrement létal ou autre, ils ne vont pas reculer. Là, ce qu'ils sentent, à mon avis, là, actuellement, juste aujourd'hui, on parle, après ce week-end, où il y a eu pas mal d'émeutes et tout, je pense qu'ils sentent qu'il y a un durcissement en Europe. Il y a un durcissement par rapport aux mesures qu'ils prennent. Ils vont discuter entre eux, ils vont dire, bon, là, ça passe ou ça casse. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense qu'ils vont, y aller à bloc, quoi. Parce que n'oubliez pas que derrière ça, il y a tout l'agenda financier, climatique, tout le Great Reset. C'est le Great Reset qu'il y a derrière. Et il faut tenir les populations sous la botte du régime, de ce système. Donc, il n'est pas question de s'arrêter en cours de route. Ah ouais, non, mais finalement, les gens, ils ne sont pas d'accord, etc. Ça ne passera pas avec ces grands oligarques-là. Bill Gates, il n'a pas déversé ses milliards et ses milliards à travers le monde pour que des gens lui disent « Non, mais finalement, vous comprenez. » C'est pour ça ce que tu disais à propos de Sébastien Kurz, qui soudain est démissionné parce qu'il y a un scandale. Tous ces types, ils ont comme ils les achètent, etc., ils savent qui prend quoi comme argent, et s'il y en a un qui décide de traîner des pieds, ben on s'en débarrasse. Et n'oubliez pas non plus que Loukachenko, lui, a refusé. Ils ont essayé de corrompre avec succès dans la plupart des cas, tous les hommes politiques. Sans exception. Oui. Sans exception. Les gens ne le mesurent pas. C'est pas simplement que les types partagent une vision globaliste, etc. Non, mais très concrètement, pour ces politiciens, ça veut dire qu'ils touchent du fric. Aussi. Ils touchent du fric. Ils prennent du blé. Et puis pas seulement. Écoutez, ce que je vais vous dire, ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a quand même de plus en plus de gens qui attirent l'attention, aussi bien du monde politique que du monde apolitique, qui attirent l'attention sur une chose. C'est que de grandes sociétés internationales sont devenues plus riches que les nations, que les États. Et je me demande, moi, jusqu'à quel point cette richesse n'est pas influente dans la manipulation des États. Je pense que c'est le cas. Pas de preuves, évidemment, mais voilà. Or, il y a deux moyens d'être extrêmement riche, je vais faire une image, une métaphore, par rapport à son voisin. Un, c'est de posséder beaucoup plus d'argent. Ou bien deux, c'est que le voisin soit particulièrement endetté. Ça, c'est les deux moyens d'être plus riche et d'avoir de l'influence. Eh bien, je me dis que, quelque part, il est probable que nos États, nos castes politiques, sont déjà, de par l'endettement public des nations occidentales, sont depuis longtemps à la merci de ces grandes sociétés internationales. Et qu'il n'est pas nécessaire de corrompre à 100% les castes politiques pour atteindre son but. Il suffit simplement d'imposer des contraintes à ces nations qui sont endettées et qui ne pourront que suivre les ordres reçus, les contraintes appliquées. Alors on va se séparer, on se dit à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine.